Bonsoir. Je vais procéder à l'appel nominal pour ouvrir cette séance du Conseil municipal. Tony Di Martino présent, Olivier Taravella, Elham Chahir, Édouard de Noël, Émilie Trigot, Jean-Claude Oliva, il arrive John Jibiro, Cédric Pape, Yasmina Sadoud, Choki Haddad, il est là aussi, Edith Félix, Brahim Akour, Merlin George, présente. Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Vincent Doucissé, Ndaï Mariam Diop, Kaline Tribic, Amit Chahir, Karamoko Sissoko, Mamadou Sylla a donné pouvoir à Olivier Taravella, Manon Chrétien, Hissène Ounissi, Zora Kelly, Mohamed Jenan a donné pouvoir à Laurent Jamais, Sébastien Stalens a donné pouvoir à Claire Laurence, Pierre Vionnet a donné pouvoir à Angéline Desbordes-Silly, Laurent Jamais, Angéline Desbordes-Silly, Raquel Garrido, présente. Claire Laurence, présente. Solène Bourris, présente. Pardon, vous étiez à la dernière page, mais vous êtes là. Solène Le Bourris. Non, parce que vous n'étiez pas là à deux, donc ce n'est pas au troisième procès. Mais ne vous énervez pas, Madame Le Bourris. Je vous présente mes excuses. Merci. Ne vous énervez pas, Madame Le Bourris. Détendez-vous. Détendez-vous. Donc je vous propose de suspendre la séance et de donner la parole à Monsieur Thénos pour le POID de Bagnolet, l'association Tes Petites Mains Vertes ayant renoncé à sa demande de prise de parole. Monsieur Thénos, allez-y. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, le 23 juin dernier, nous avions pu prendre la parole dans cette même salle pour nous adresser à vous à propos de la situation dans les écoles de la ville. L'éducation nationale, vous le saviez, avait pour projet d'organiser la fermeture de trois classes, malgré les 6 mois pendant lesquels nos enfants n'avaient pas pu avoir accès, du fait du confinement, à l'éducation. À la rentrée, la mobilisation des parents de l'école de la maternelle Jean Jaurès a permis d'arracher la réouverture d'une classe. C'est une victoire pour les enfants, pour les parents, c'est une victoire pour le droit à l'instruction. C'est la preuve qu'on peut faire reculer ce gouvernement, même partiellement. Mais cependant, malgré cette victoire, et contrairement à ce que dit M. Blanquer, les conditions de la rentrée dans cette ville comme dans tout le pays sont catastrophiques. Vous le savez, ce sont à Bagnolet des dizaines de postes d'AVS et d'AESH qui manquent dans les écoles. Des enfants de cette commune n'ont pas pu faire leur rentrée, des enfants handicapés n'ont pas pu faire leur rentrée faute de personnel recruté par l'éducation nationale. À l'école Joliot-Curie, sur un autre plan, du fait de cas de Covid parmi le personnel municipal, il n'y a pas eu d'accueil le matin, le soir et de cantine le midi pendant une dizaine de jours, plongeant les familles et les parents dans une situation très compliquée. Et il y a ces fermetures de classe. Tout ça s'est rendu possible, cette politique qui tient plus de la barbarie que de la civilisation à laquelle on est attaché. Tout ça s'est rendu possible par le vote unanime sur lequel le gouvernement peut s'appuyer le 19 mars, parmi lequel l'Assemblée unanime a donné des centaines de milliards d'euros aux banques, aux entreprises, pour licencier, plutôt que pour recruter, pour réorganiser le rattrapage scolaire, pour sauver les services publics. Je disais pour embaucher des AVS, des AESH par dizaines comme les enfants en ont besoin, pour embaucher des enseignants dans les écoles, pour pouvoir véritablement les dédoubler, assurer des conditions sanitaires, pour financer pour la commune le recrutement de personnel et d'équipes de remplacement pour pouvoir assurer et à la fois la protection du personnel et la pérennité des services publics. Tout ça, je vous disais, la leçon, c'est quand même que le gouvernement peut reculer partiellement face à la mobilisation de la population. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le maire, vous tous dans l'opposition comme dans la majorité, nous nous adressons à vous à nouveau, pour aller ensemble chercher auprès de l'éducation nationale les financements, les postes, pour que la rentrée soit moins catastrophique, pour recruter, pour que les AEVS, les AESH soient recrutés, pour que les conditions sanitaires soient décentes dans les écoles, pour que le personnel communal puisse être recruté en nombre suffisant pour, comme je le disais, à la fois assurer la permanence et la permanence du service public. Je vous remercie. Pour la réponse de la municipalité. Effectivement, comme vous l'aviez demandé, la municipalité a mis à disposition du comité et surtout des parents d'élèves mobilisés une salle à la CIM. Les élus de la majorité, les deux élus en charge de l'éducation de la vie scolaire étaient présents à vos côtés et c'est la mobilisation des parents, d'abord le soutien d'un collectif politique, ensuite le soutien municipal aussi, qui ont permis sur un cas, effectivement, d'emporter une victoire qui n'était pas gagné d'avance. On remercie aussi l'inspectrice qui vient d'arriver, de prendre ses fonctions, qui est énergique et qui fait malheureusement avec ce qu'elle a, vous le dites, c'est pas grand-chose. Oui, c'est une rentrée blancaire. Oui, il y a des problèmes. Oui, il manque beaucoup de postes. Il manque des postes d'AVS, il manque des postes d'AESH. Très récemment, pour les parents de Joliot-Curie, ils étaient plusieurs, nombreux même, à s'être mobilisés pour un cas, le cas d'un enfant. On a donné la première lettre de son prénom, c'est un B. Son AVS, c'était la première fois qu'il voyait l'école, on lui avait promis une AVS, il n'en avait pas. L'inspectrice s'est mobilisée, un poste a été débloqué, c'est notoirement insuffisant. Heureusement, en l'espèce, là, ça fait un poste pour un cas qui pesait sur le cœur de tout le monde. Sur la rentrée scolaire à Bagnolet, plus précisément, puisque plusieurs personnes voulaient, et c'est bien normal, un point d'étape sur la rentrée scolaire. On offrira d'autres points d'étape comme ça. Votre prise de parole nous le permet. Effectivement, ça a été une rentrée compliquée. Effectivement, il a fallu être agile. Effectivement, il y avait beaucoup d'attentes de la communauté scolaire, beaucoup de craintes aussi. Je voudrais d'abord qu'on remercie les personnels municipaux qui sont mobilisés, les ATSEM qui ont un travail extrêmement difficile, les animateurs, plein d'autres personnels municipaux qui sont mobilisés. Il a fallu réorganiser les services très rapidement, répondre aux différentes conséquences des protocoles sanitaires et éducation nationale. Ça veut dire tantôt faire des évictions d'élèves, tantôt faire des évictions de personnel, tantôt fermer des classes. Parfois, les parents ont été prévenus effectivement tardivement, mais on les prévient dès qu'on le peut. On le fait par SMS. Il y a des directeurs, des fonctionnaires ici de la ville qui sont revenus le dimanche prendre les listes, envoyer des SMS le plus vite qu'ils le pouvaient. Oui, il y a eu des difficultés parce qu'il y a eu des équipes en quatorzaine et parce qu'effectivement, à la maternelle Joliot-Curie, il y a eu cette quatorzaine et des résultats de tests qui tardaient. Et effectivement, il y a eu un peu de désorganisation. Pour l'essentiel, en tout cas, c'est les retours que nous avons, pour l'essentiel, c'est une rentrée, malgré le contexte, qui s'est plutôt bien passée. Il faudra encore qu'on s'améliore dans la communication aux parents, effectivement, mais je pense que tout ce qui pouvait être déployé à ce stade l'a été fait. Je rappelle le contexte, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contamination chez les élèves, chez les enseignants, chez les personnels. Je rappelle juste un peu de contexte au cours de l'été, on a fait dans les écoles 800 000 euros de travaux. Ça, c'est pour le bilan. Maintenant, il y a les projets de fonds qu'on veut mener et je vais m'attarder quelques secondes dessus. On travaille sur la sécurité des abords des écoles et sur la sécurité des écoles en elles-mêmes. On commence par les cheminements, par les circulations, jusqu'à la sécurité des bâtiments eux-mêmes. On travaillait pas plus tard que ce lundi matin avec monsieur le maire sur l'amélioration de la cantine scolaire. Il y a des choses qui vont arriver rapidement. On travaille aussi sur les projets de construction et de reconstruction d'écoles. Vous savez comme elles sont attendues à Langevin, à Pêche d'Or et on parle aussi du collège Travail. Tout ça s'enclenche maintenant. Nous avons aussi des projets écologiques, j'en termine par là, à mener dans les écoles, notamment sur la déminéralisation des cours d'école. On a un projet pilote qui pourrait être amorcé assez rapidement à Coton. Donc vous le voyez, il y a des travaux de fond, il y a une rentrée qu'on a essayé de gérer au mieux. Effectivement, le contexte sanitaire et le contexte politique est extrêmement difficile, donc il va falloir continuer à se battre. Et on ne se battra pas seul, mais avec l'aide de la population. Je vous remercie. Merci Edouard, nous aurons l'occasion de revenir régulièrement sur ce sujet. Donc la séance du Conseil municipal est réouverte et nous passons à l'approbation. Ça n'est pas prévu, Monsieur Jamais. Pardon ? Vous prendrez la parole ensuite. Donc nous passons à l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 23 juillet. Il n'y a pas eu d'observation. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Non, nous n'avons pas eu d'observation au préalable. Non, mais qu'il y ait d'observation préalable pour avoir le droit de s'exprimer en conseil municipal sur ce point, monsieur le maire. Madame Garrido, traditionnellement, les demande remarques... d'intervention. Non. Je vais donner la parole. Je vous explique comment fonctionne ce conseil municipal, puisque vous en avez besoin. Traditionnellement, les groupes politiques font part de leurs observations sur le compte-rendu du conseil municipal à l'administration, et nous faisons en sorte de rectifier le compte-rendu tenant compte des observations des groupes politiques. Vous avez la parole. Merci. Moi, j'aimerais intervenir non pas sur le fond, mais sur la forme du compte-rendu. Vos comptes-rendus, ce sont des relevés de décision, qui ne restituent pas du tout la teneur des débats. Alors, évidemment, le Code général des collectivités territoriales ne vous oblige pas à aller au-delà. Pour autant, il y a un certain nombre de collectivités, et j'étais élue dans une collectivité de droite pourtant qu'il faisait, par respect de la démocratie, de la transparence démocratique, communiquaient, avaient des comptes rendus qui reprenaient le contenu des procès-verbaux avec l'intégralité des débats, parce qu'évidemment, là-dedans, les prises de position des oppositions ne sont pas restituées, vos réponses aux oppositions non plus. Bon, alors... J'observe aussi que sur le site de la mairie ne sont pas mis en ligne les procès-verbaux, parce que ce n'est pas non plus une obligation légale. Pour autant, ça veut dire qu'on a des administrés qui ne... Sauf s'ils sont en ligne aujourd'hui, qui nous écoutent, ou s'ils acceptent de passer 2 heures à regarder en replay, si le replay est mis sur le site de la mairie, nos échanges, qui n'auront pas la teneur des délibérations. C'est vraiment un principe démocratique. Alors évidemment, ce n'est pas une contrainte réglementaire juridique, vous pouvez vous y soustraire, mais nous aimerions à l'avenir, et je suis un peu embêtée de dire que dans des collectivités de droite, le respect des oppositions, parce que là, on a tous les échanges que nous avons eus qui contribuent au débat démocratique sont passés sous silence. Donc est-ce qu'on ne peut pas envisager, y compris quand on va retravailler sur le règlement intérieur, j'imagine que ce sera fait incessamment sous peu, de reprendre le procès verbal, soit, si vous ne consentez pas à reprendre le procès-verbal, à mettre les procès-verbaux en ligne sur le site de la ville. Je vous remercie. Mais effectivement, on n'a pas non plus le compte-rendu, on n'a pas approuvé le compte-rendu du 9 juillet et il n'apparaît pas... Madame Silly, vous l'avez vous-même dit, la captation des conseils municipaux dans leur intégralité figure sur le site de la ville. Il n'y a pas plus exercice démocratique que d'avoir l'intégralité des conseils municipaux sur le site de la ville. Donc je ne sais pas si d'autres villes de droite... Font les deux. Nous avons à l'heure actuelle les conseils municipaux dans leur intégralité sur le site de la ville. Il n'y a pas plus transparent. Mais on pourra travailler dans le cadre de la refonte du règlement intérieur à avoir des comptes rendus qui ne seront pas des minutes, qui ne seront pas des comptes rendus exhaustifs, mais qui pourront reprendre... l'expression, la substantifique moelle de l'expression des intervenants. Nous le ferons. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, les conseils municipaux sont enregistrés, sont diffusés et figurent sur le site de la ville. Là, pardon, il y a quand même un problème. Madame Garrido, juste pour qu'on se comprenne. Pardon ? Lorsqu'on demande la parole... Dans une assemblée, on la demande. Oui, maître, voyez, donc, je demande. Donc, il va falloir, le président du conseil Madame Garrido, Madame Garrido, il va falloir vous habituer à demander la parole. Oui. Vous avez la parole, Madame Garrido. Je vous remercie. J'ai une immense gratitude envers vous et le fait que vous me donniez la parole. C'était juste pour vous rappeler que lors du conseil municipal du 9 juillet, nous avions déjà eu ces discussions, que vous Tout aviez à fait. Déjà. On avait déjà quelque sorte retoqué le compte-rendu puisqu'il n'était pas assez complet, que vous-même et vos services vous étiez engagés à resoumettre le compte-rendu du 9 juillet à l'approbation de ce conseil municipal, ce que vous ne faites pas. Et vous verrez vous-même dans le compte-rendu du 23 juillet que le point numéro 1 n'est pas l'approbation du compte-rendu du 9 juillet. Donc à ce stade, j'aimerais que, avant même de se poser la question de savoir d'approuver le compte-rendu du 23 juillet, est-ce qu'on peut avoir un compte-rendu complet du 9 juillet qui n'est toujours pas approuvé. Mais vous l'aurez, madame, vous l'aurez. Monsieur Jamais. Oui, sur un tout autre sujet, c'était pour vous faire une suggestion avant qu'on élise un nouvel adjoint au maire. Je pense qu'il y a des bonnes traditions dans une collectivité, c'est de rendre hommage à des élus qui sont décédés. Mmh. Au mois d'août, Christian Joanneau, qui a été conseiller municipal de 59 à 71, et maire adjoint de cette collectivité de 71 à 78, est décédé. Christian, c'était un ami, c'était un ouvrier maçon. Il a réussi à occuper un grand nombre de responsabilités. Ça a été un militant politique. Et je crois que ça serait une bonne chose de lui rendre hommage par une minute de silence. Je le dis d'autant plus que je ne suis pas le seul. On a été quelque peu meurtri dans le mandat précédent, après le décès de l'ancien premier adjoint André Aranouette, où il n'y a pas eu cette formalité républicaine qui me semble naturelle. Donc je voulais vous suggérer d'une minute de silence avant le début. Puisque vous nous informez du décès de cet ancien maire adjoint, nous allons faire une minute de silence. Mais encore faut-il qu'on ait l'information. Vous en conviendrez. Donc nous allons... Si, tout à fait. Faire une minute de silence, chers collègues. Je vous remercie. Donc, approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 23 juillet. Est-ce que vous avez des observations ? Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération numéro 1. Élection d'un nouvel adjoint au maire. Donc, comme vous le savez, Jean-Claude Oliva a été élu vice-président à Est Ensemble en charge de l'eau et de l'assainissement. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la défense de la gestion publique de l'eau. Et donc, suite à son élection, Jean-Claude a démissionné. Donc, je lui cède de se démissionner de son poste de maire adjoint. Donc, je lui cède la parole pour présenter la candidature. Merci. Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai démissionné du mandat de adjoint au maire pour me mettre en conformité avec l'accord que nous avions conclu entre les trois groupes de la majorité municipale de ne pas cumuler des fonctions telles que adjoint au maire et vice-président d'Est Ensemble. Or, comme vous le savez, j'ai été élu vice-président d'Est Ensemble en charge de l'eau et de l'assainissement, ce qui n'était pas gagné d'avance, c'est le moins que l'on puisse dire. Bien entendu, je ne vous abandonne pas, je reste président du groupe des élus écolo-solidaires. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous proposer la candidature de Vassindou Cissé pour prendre le poste de 5e adjoint au maire en charge de la transformation écologique de l'espace public, des espaces verts, de la politique de végétalisation, de l'eau dans la ville, de l'environnement et de la biodiversité. J'y vois tout d'abord un acte qui va dans le sens de l'écologie populaire, de l'écologie des quartiers que nous promouvons. Dans ce domaine, comme dans celui du Rassemblement pour les élections municipales, les discours sont nombreux. Maintenant, les actes doivent suivre. L'écologie est encore aujourd'hui plutôt l'apanage d'hommes blancs qui ont fait des études supérieures et qui habitent les centres-villes. Toute la constitution et l'action de notre groupe des écolos solidaires visent à dépasser cette situation et à faire que l'écologie soit appropriée par le peuple, dans les quartiers, et cela se passe aussi par donner de nouvelles références et d'autres modèles que ceux de précurseurs, souvent issus de catégories sociales plus favorisées, les bobos, pour faire vite. C'est donc à la construction d'une écologie pour toutes et avec toutes que nous travaillons, plutôt qu'à imposer de nouvelles normes et de nouveaux comportements venus de l'extérieur ou d'en haut. Ce qui m'amène naturellement à vous dire quelques mots sur Vassindou. C'est un habitant de Bagnolet, depuis 10 ans, qui vit actuellement dans le quartier des Malassis avec sa famille. Il est éducateur dans un foyer d'hébergement accueillant des travailleurs handicapés à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Foyer au sein duquel il coordonne une équipe de 4 professionnels. Il a également repris des études pour devenir directeur d'établissement social. Dans ses engagements militants, il y a l'inclusion scolaire de tous les enfants, notamment ceux en situation de handicap, les Roms et les nouveaux migrants. Auparavant, il s'est beaucoup investi à Saint-Denis pour la résorption de l'habitat insalubre avec l'association des familles victimes de saturnisme. À ce titre, il a occupé la fonction de personne qualifiée au Conseil de développement de pleine commune pour aider à la mise en place d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour une prise en charge globale des familles qui, pour la plupart, étaient sans titre de séjour. C'est donc une personne compétente et engagée dans l'humain qui va se retrouver à l'avant-poste de la transformation écologique de notre ville, et c'est bien ce dont nous avons besoin. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Bien évidemment, je partage ce qui vient d'être dit, mais je suis très étonnée. Je suis très étonnée parce que cet été, nous l'avions déjà compris que M. Oliva allait démissionner à travers une fable intitulée « Les animaux malades de la peste » de La Fontaine, qui a été supprimée entre-temps. Mais elle est restée quand même assez de temps pour qu'on puisse en discuter. Ça a quand même inquiété certains Bagnoletais, parce que je pense qu'au vu de la situation, les Bagnoletais ont besoin quand même d'une majorité stable et très sécurisante. Et là, vous régliez vos comptes, et avec les annotations ont été très claires, hein, vous régliez votre compte avec Monsieur le maire et le troisième adjoint. Donc, bien évidemment, je suis très surprise ce soir, parce que le discours est complètement à l'opposé de ce que j'ai pu lire cet été. Donc, voilà, je pense que c'est des pratiques, quand on est élu, qu'on ne doit pas avoir. On l'a déjà dit sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez un blog, la prochaine fois, quand vous avez des comptes à régler, je pense que vous n'avez pas à le faire au vu de tous les Bagnoletais. Merci. Écoutez, j'avais pas lu ce texte, mais... passez-le-moi, ouais. Donc, s'il n'y a pas est-ce qu'il y a une demande de vote à... On passe aux voix ? Pas d'autres interventions ? Il y a une demande de vote à main levée, oui. Oui, ça vous va ? Non, on est d'accord ? On vote à main levée ? Oui. Ça vous va, tout le monde ? Donc, qui est pour l'élection de Vassindou Cissé comme maire adjoint ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Bravo, Vassindou Cissé est élu maire adjoint. Donc on va lui remettre son écharpe. Délibération numéro 2, fixation de seuil pour les poursuites de la trésorerie de Montreuil et simplification des procédures de recouvrement. Olivier Tarabella. Bonsoir. Délibération très classique donc pour permettre au Trésor public de poursuivre les impayés. Donc c'est une délibération identique à celle qui présidait au mandat précédent, avec simplement des précisions quant au circuit entre la ville et la trésorerie pour que ça soit le plus fluide possible. Oui, mais j'avais une question en fait sur les conséquences des petites modifications qui existent. D'abord, est-ce que le fait de transférer au Trésor public un certain nombre de ces tâches de recouvrement, est-ce qu'elle entraîne un surcoût pour la commune, voire pour les usagers ? Et deuxièmement, la question est de savoir comment est-ce que c'est compatible tout ça avec le traitement social en fait des dettes à l'égard de la commune, puisque là, on est sur une délégation de recouvrement, même sur des toutes petites sommes. Et du coup, est-ce que ça permet tout à fait à la mairie et ses services de faire le petit travail de dentelle, parfois, en matière sociale, qui doit logiquement être effectuée lorsque les foyers de la commune sont parfois de façon momentanée ou pérenne en difficulté. Olivier. Alors, sur les charges de recouvrement, de toute façon, comme il y a la séparation entre l'ordonnateur et le payeur, toute charge de recouvrement est de toute façon du trésor public de l'État. C'est sa mission, donc ça ne pose pas de difficultés. C'est éventuellement une charge supplémentaire pour l'État, mais en tout cas pas pour la collectivité, puisqu'il n'y a pas de refacturation, si on peut dire ainsi. Sur le deuxième sujet, sur le traitement social, c'est évidemment très important dans une ville comme Bagnolet. Ça va l'être certainement d'autant plus dans les mois à venir. De toute façon, lorsque ces créances partent en recouvrement au trésor public, c'est qu'on a déjà eu en général plusieurs séquences d'échanges avec les familles, qu'il s'agisse des services qui sont les services émetteurs de la facture ou dans un deuxième temps des services sociaux du CCAS pour essayer de trouver des modalités d'accompagnement, des échéanciers de paiement. Mais en tout état de cause, il y a un traitement qui est scindé puisque les demandes, par exemple, d'annulation ne peuvent être faites qu'auprès du Trésor public. La ville ne peut pas annuler une créance, sauf à la passer en conseil municipal, ce qui évidemment est assez lourd. Et donc les demandes de traitement individuel, personnes qui peuvent être en situation de surendettement, des personnes qui peuvent avoir un accident de la vie qui rend leurs ressources incertaines, s'adressent au Trésor public, qui traite, comme ils le font pour tous les impôts, la question et qui éventuellement donne des sursis à paiement ou annule tout ou partie de la créance. Mais de notre côté, en général, quand ça part déjà en recouvrement, c'est qu'un travail social assez important a été fait en amont. Juste, si vous me permettez, merci déjà de cette première partie de réponse, mais par exemple, tout ce qui concerne le paiement des frais de cantine ou d'études, etc., on a la possibilité de le payer par badge au service pendant un certain délai qui, finalement, est quand même assez court et qui, là, par exemple, a été prolongé dans le cadre du Covid et c'est quand même une bonne chose. Parce que ça évite le transfert rapide de ces créances-là au trésor public. Et du coup, est-ce que vous avez une réflexion sur justement cette durée pendant laquelle on peut payer sur badge au service plutôt que d'envoyer, je trouve, assez automatiquement et assez rapidement au trésor à Montreuil ? Oui. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Celui des crèches, par exemple, et des accueils de loisirs du premier trimestre 2020 et des derniers jours aussi du mois de mai, de juin, où il y avait encore des services entre le déconfinement et la fin de l'année, les créances pour un certain nombre de ces services ont été renvoyées au mois d'octobre. Qu'on a largement étendu le délai de paiement au stade de la ville avant transfert au trésor public, au regard aux circonstances qui ont fait qu'un certain nombre de ménages avaient d'autres choses à penser au moment du confinement que d'aller physiquement payer leurs factures éventuellement à la ville de Bagnolet. Et ça permet aussi à des familles qui ont pu avoir une rupture de revenus pendant cette période d'avoir un temps un peu plus long aussi pour pouvoir payer ses créances. Donc voilà, c'est un exemple d'adaptation qu'on a fait qui permet quand même pour certaines factures d'avoir 5 mois, 6 mois de décalage pour le paiement. Alors c'est une charge de trésorerie pour la ville puisque pendant ce temps-là, il y a moins d'argent qui rentre. Mais c'est un accompagnement quand même des familles qui sont concernées. Je propose de passer au voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Dotation politique de la ville pour 2020, convention de financement. Donc je ne sais pas si l'argent pleut sur Bagnolet, mais en tout état de cause, nous sommes allés chercher des subventions. Et la subvention dans le cadre de la DPV s'élève à plus de 550 000 euros, comme vous pouvez le constater dans la délibération qui vous est proposée ce soir. Est-ce que vous avez des observations ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 4, approbation du rapport d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. Est-ce que vous avez des remarques ? Il s'agit de prendre acte de la présentation de cette délibération. Est-ce que vous avez des remarques, des observations ? Je propose de prendre acte en levant la main. Voilà. Prenons acte que cette délibération a bien été présentée. Délibération suivante, désignation de représentants du conseil municipal au sein de conseils d'administration d'association. Donc il vous est proposé de désigner non pas un, mais deux représentants à la mission intercommunale pour l'emploi des jeunes, 3 représentants au sein de l'association des rencontres chorégraphiques et 3 représentants au sein de la maison de quartier de la Duise. Donc on présente les noms. Est-ce que vous avez des observations, Madame Le Bourris ? Oui, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas parmi les représentants des élus de l'opposition, puisque visiblement la représentativité de toute la ville était quand même un de vos chevals de bataille. Donc voilà. Donc où est la transparence dans tout ça ? Je ne comprends pas. Donc par exemple, bon, maintenant il y a 2 représentants pour la mission intercommunale pour l'emploi des jeunes 4-93, donc je pense que s'il y a 2 représentants, pourquoi pas un de la majorité, un de l'opposition. Parmi les 3 de l'association Rencontre chorégraphique internationale de Seine-Saint-Denis, qui, vous le savez, nous tient à cœur, parmi les 3 représentants, je pense qu'il pourrait y avoir 2 de la majorité, un de l'opposition. Et pareil pour la maison de quartier de la Duise. Merci. Olivier Tarvella. Moi, je m'étonne un peu de votre intervention, parce que quand on vous donne la possibilité de jouer un rôle de contrôle. Par exemple, avec la présidence de la commission des finances, on en revient à ce que disait Madame Desbordes-Silly en introduction, vous le refusez, puisque vous m'avez à nouveau confirmé, Monsieur Jamais, lors de notre commission des finances, que vous refusiez la présidence de cette commission. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire, c'est un engagement qui a pu être pris par un certain nombre de maires de donner à l'opposition la présence de cette commission. Alors après, que vous estimiez qu'elle ne permet pas de jouer un rôle suffisamment important, c'est votre droit. Je pense personnellement que ce rôle est ce qu'on en fait. Et que si vous souhaitiez vous engager pleinement là-dedans, on pourrait certainement vous accompagner en vous donnant accès à un certain nombre d'éléments financiers que vous pourriez demander pour jouer pleinement ce rôle de contrôle. Mais fort est de constater que vous avez refusé, donc. Vous ne pouvez pas d'un côté nous dire on refuse de jouer ce rôle de contrôle avec par exemple la présidence de la commission des finances et après nous dire que dans des instances où il n'est pas prévu qu'il y ait de représentation obligatoire à la proportionnelle du conseil municipal, c'est pas normal que vous ne soyez pas représenté. Voilà, il faut choisir un peu entre les deux. Plus jamais. Oui, je suis quasiment certain que la suite de notre séance vous donnera quelques réponses à vos questions qui sont importantes. Monsieur le maire. Vous savez que la loi vous oblige à transmettre les délibérations au conseil municipal avec 5 jours francs d'antériorité. Vous venez d'annoncer en séance un changement dans le projet de délibération puisque vous prévoyez de désigner 2 représentants au conseil de l'association Miège. Alors c'est illégal, donc soit faut y répondre techniquement à ce sujet, ou alors renoncer à ce changement de dernière minute qui n'est pas du tout démocratique et ne désigner qu'un seul membre. Alors j'imagine que le fait d'en vouloir désigner 2, c'est que vous avez voulu prendre en compte peut-être le pluralisme au sein de la majorité, ce qui prouve bien que des fois le pluralisme a du bon et que peut-être que si ça avait été, si vous aviez été cohérent même avec cet objectif, vous auriez pu considérer que c'est bien que tout le conseil municipal soit engagé auprès de l'association des rencontre chorégraphique internationale ou de la maison de la Duise et des autres associations. Mais bon, en tout état de cause, on ne peut pas désigner 2 personnes au Miège. Donc, nous allons désigner 2 personnes à la Miège et détrompez-vous, Madame Garrido. C'est tout simplement parce que nous avons reçu un mail hier du directeur de la mission locale qui nous informait qu'il y avait bien 2 représentants de la ville au sein de la Miège et non pas 1. Donc, il n'y a pas je ne sais quelle arrière-pensée politicienne derrière, tout simplement une erreur administrative qui a été réparée par la Miège elle-même. Donc nous allons... Qui n'est pas réparée par rapport aux règles de Donc nous allons vous proposer de désigner 2 représentants à la Miège. Mais enfin, monsieur le maire, vous ne pouvez pas changer les délibérations Madame Garrido. Il y a un code général des collectivités territoriales. Oui, c'est pas la fête du slip, Madame, là. Madame Garrido, au conseil municipal, on demande la parole. Il va falloir au conseil municipal, monsieur voilà. Le maire, on respecte le code général des collectivités territoriales. Donc, vous avez 5 jours pour France, c'est ce que dit la loi, pour nous adresser oui, cette liasse. Oui. 5 jours, ça ne veut pas dire la dernière seconde. Oui. Vous voyez la différence. Oui. Bon, tout à fait. Vous comprenez pourquoi il y a cette règle. Oui. Alors vous ne pouvez pas la violer, c'est oui, tout. Mais et madame, vous pouvez me prendre de haut et me donner plein de leçons. Là, je vous rappelle juste, et vous regardez, retournez-vous vers vos services techniques. D'accord ? Parce qu'on ne va pas trancher ça entre vous et moi, c'est écrit dans le texte. Retournez-vous vers vos services techniques, vous ne pouvez pas changer, sauf à déclarer qu'il y ait, et justifier une urgence, parce qu'effectivement, il y a la possibilité de changer l'ordre du jour, mais il faut justifier de l'urgence, et vous ne l'avez pas fait. Madame Garrido, lors du premier conseil municipal, vous nous avez montré, au moment de l'élection, de la désignation des maires adjoints, toute votre connaissance du Code général des collectivités territoriales. Donc, croyez-moi, nous allons procéder au vote à la désignation de 2 représentants à la Miège, de 3 représentants aux rencontres chorégraphiques et de 3 représentants à la maison de quartier de la Duisse. Donc, Olivier, tu as les noms, me semble-t-il. Oui, donc pour la maison de quartier de la Duisse, nous proposons les candidatures de Cédric Pape, John G. Biro et Abdelkrim Karmaoui. Pour les rencontres chorégraphiques, Merlan Georges, Frédéric Gabin et Mariam Diop. Et donc pour le Miège, Manon Chrétien et Zora Kelly. Donc c'est une rectification. Délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante, approbation du principe pour recours aux délégations de service public pour la gestion de la crèche dite Toffoletti, 43 rue de l'Écluse. Olivier. Vous le savez, dans le précédent mandat, nous avons engagé la réalisation de 3 crèches pour augmenter sensiblement l'offre de petite enfance sur la ville de Bagnolet. Il existe plusieurs solutions de garde organisées au niveau de la ville de Bagnolet. Il y a le réseau des assistantes maternelles, bien sûr. Il y a un certain nombre de crèches. Il y a des crèches en régie publique municipale, des crèches privées, des crèches dans lesquelles la ville réserve des berceaux, bien sûr, des crèches qui sont hors réseau ville, crèches familiales et crèches autres. Nous avons sur ce premier projet de crèche, dit crèche Toffoletti, donc une crèche de 35 berceaux, qui est en cours de finalisation dans l'ancien bâtiment du centre social Guy Toffoletti, qui vient d'être totalement rénové, qui devrait être livré à la fin du mois de novembre de cette année, et qui permettra l'accueil à la fois de ces crèches et le retour du centre Toffoletti dans son bâtiment d'origine. S'est posée la question du mode de gestion de cette crèche. Il y a 3 modes de gestion possibles. Il y a le mode de gestion privé, c'est-à-dire que la ville se contente de réserver des berceaux auprès d'un opérateur, sans aucun contrôle autre que le contrôle réglementaire sur le contenu de ce qui est proposé dans cette crèche. C'est le cas, par exemple, de la crèche des Coutures, la crèche Croix-Rouge, où nous réservons 60 berceaux. Nous avons la possibilité d'une gestion en régie directe, c'est-à-dire à l'interne des services de la ville, avec des agents municipaux, c'est le cas, par exemple, de la crèche Lénine. Et nous avons la possibilité d'avoir une gestion en délégation de services publics, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas d'une crèche municipale, ce qui existe pour d'autres services. Il y avait historiquement le marché forain, les marchés donc alimentaires de Bagnolet, et il y a le service de chauffage urbain et de chaleur, enfin le service d'eau chaude, pardon, et de chaleur, donc avec la SDCB. Pourquoi nous avons retenu la proposition d'une délégation de services publics? Sur d'abord l'élimination des autres solutions. La gestion privée a le défaut d'être généralement un petit peu plus cher que la gestion publique. Elle a le défaut également de ne permettre aucun contrôle direct sur le contenu pédagogique, sur les repas proposés, outre que ces crèches respectent bien sûr les normes réglementaires prévues pour les accueils de petite enfance. Et se poser aussi la question, dans le cas d'une crèche construite par la ville dans le cadre de la rénovation urbaine, de subventions qui ne pourraient être versées par l'ANRU dès lors que la gestion serait privée. Donc on a commencer par éliminer ce mode de gestion. Il y a ensuite le deuxième mode de gestion qui aurait été logique, c'est la gestion en régie directe. Nous avons exclu celui-ci pour 2 raisons. La première, et les 2 sont connexes, c'est que la ville de Bagnolet, malheureusement, comme toutes les collectivités ayant plus de 60 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, est soumise à la contractualisation obligatoire entre l'État et les collectivités territoriales. Cette obligation que nous condamnons tous, je sais, dans ce conseil municipal, s'impose néanmoins à nous et nous force à devoir maîtriser l'évolution de dépenses de fonctionnement chaque année. Dès lors que nous dépasserions un certain taux d'évolution, nous aurions une pénalité financière qui se traduit par un prélèvement sur nos recettes fiscales par l'État. Il y a un autre élément également, c'est la nécessité de dégager des marges de manœuvre pour réaliser tous les investissements qui sont en attente sur cette ville. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 crèches au total, donc 2 autres crèches qui doivent être réalisées. Il y a aussi 2 écoles qui doivent être réalisées rapidement, à la fois la reconstruction de l'école Langevin et puis la reconstruction de l'école Pêche d'Or. Il y a également à terme la reconstruction de l'école Ferry et il y a la question de l'école en centre-ville. Donc nous avons, sans même parler de l'entretien de notre patrimoine bâti et de la voirie, d'importants projets d'investissement qui représentent plus d'une cinquantaine de millions d'euros, auxquels s'ajouteront la deuxième phase de la rénovation urbaine, pour lequel nous devons dégager des marges de manœuvre. Et si on souhaite dégager des marges de manœuvre sans avoir à faire des choix très difficiles sur le service public, il faut trouver un moyen d'équilibrer le développement de nouveaux services, ce qui est le cas ici puisqu'on crée 35 places de crèches supplémentaires publiques, et une gestion financière qui soit la plus équilibrée possible pour pouvoir conserver ces marges de manœuvre. De ce point de vue, la délégation de services publics est nettement moins chère chaque année que ne le serait la gestion en régie directe. Donc vous avez un tableau qui retrace l'ensemble des flux financiers dans la note et qui permet de constater qu'entre la gestion internalisée qui représenterait environ 300 000 euros de reste à charge pour la ville et la gestion délégation de services publics, vous avez déjà un écart de 130 000 euros, puisque la gestion en délégation de services publics est à 170 000 euros. Mais il faut ajouter à cela une partie du contrat en phase jeunesse et également la contribution à l'occupation du domaine public, ce qui réduit à 70 000 euros le reste à charge pour la ville sur la délégation de services publics chaque année. Donc vous avez un écart de 250 000 euros entre la gestion internalisée et la gestion de délégation de services publics. C'est la principale raison pour laquelle nous avons fait ce choix de délégation de services publics. Pour autant, et sur ce point-là, je laisserai surtout Zora Kelly et Grégoire de la Gannerie développer, ça ne nous empêche pas d'avoir des exigences extrêmement fortes sur le contenu de la délégation de services publics. Une délégation qui sera limitée à 6 ans, ce qui nous permet d'avoir un contrat d'une durée limitée, qui ne dépasse pas la durée d'un mandat, qui permet aussi, si on constate des difficultés, de ne pas être prisonnier d'un contrat de long terme, quand, par exemple, sur les marchés forains, le contrat a duré 56 ans. Donc, évidemment, c'est un petit peu compliqué en termes d'équilibre économique. Et nous avons une crèche qui devra, un opérateur qui devra supporter 100 000 euros d'investissement, puisque c'est l'opérateur qui achètera l'ensemble du mobilier qui aménagera la crèche, ce qui explique aussi la durée de la concession, puisque ça permet, sur ces 6 années, d'amortir cet investissement initial de manière économiquement viable. Voilà, donc, ça, c'est sur l'équilibre général. Je laisserai Zora Kelly développer sur le contenu pédagogique et l'offre. Un dernier mot sur la procédure. Nous avons eu une présentation en CCSPL la semaine dernière, validée à 5 voix contre 1, avec un avis favorable de la Commission communale des services plus locaux. Nous aurons ensuite la finalisation du cahier des charges, le lancement de l'appel d'offres. Nous aurons 2 réunions de la commission de délégation de services publics qui pourront émettre des avis sur la qualité des soumissionnaires dans un premier temps et dans un deuxième temps sur la sélection de l'opérateur qui sera retenu pour l'exécution de la concession. Et puis un dernier passage en conseil municipal, certainement au mois de mars prochain, pour la validation de la délégation de services publics. L'objectif étant d'une ouverture de la crèche en septembre 2021, avec un opérateur qui prendrait le contrat en avril 2021, afin de disposer de 5 à 6 mois pour recruter son personnel et réaliser les aménagements nécessaires dans de bonnes conditions pour permettre une rentrée la plus organisée possible, donc pour septembre 2021. Voilà. Merci, Olivier. Zora Kelly. Bonsoir à tous. Comme l'a introduit M. Taravella, c'est une augmentation conséquente de l'offre de berceaux, et cela n'est qu'un début, puisque d'autres ouvertures de crèches sont prévues au cours de notre mandat. Cette ouverture s'inscrit dans notre engagement d'augmenter l'offre de places en crèche pour les bagnoletaises et les bagnoletais. Nous avons opté pour une délégation de services publics autre de la situation financière de notre ville. La délégation de services publics permet également de s'appuyer sur des structures qui ont la taille critique pour assurer un taux d'occupation des berceaux élevé en mutualisant les ressources humaines entre différents sites et ainsi permettre aux familles de bénéficier pleinement du service offert. Ces structures, du fait de leur taille, peuvent également développer des outils pédagogiques spécifiques. De plus, la délégation de services publics permet à la mairie de garder un contrôle élevé sur l'offre proposée par la structure retenue dans le cadre de ce contrat. À travers le cahier des charges qui sera publié, nous pourrons spécifier les attentes vis-à-vis du prestataire. Afin de rassurer l'opposition, la neutralité religieuse et la proposition sur les clauses sociales seront bien évidemment respectées. Toujours pour respecter nos engagements, la municipalité sera particulièrement attentive à 3 critères pour juger les réponses à l'appel d'offres et intégrera ces éléments ci-dessous. En termes d'alimentation, une attention particulière sera donnée à la qualité des repas proposés en s'assurant d'un approvisionnement local et des produits issus de l'agriculture biologique. En termes de projet pédagogique, il sera demandé de mettre en place un programme afin d'intégrer la crèche dans le respect d'une éducation non genrée. En termes financiers, le reste à charge des familles devra être limité. Nous vous invitons donc à voter cette délibération afin de lancer les démarches rapidement et permettre aux bagnoletés de bénéficier de ces 35 berceaux supplémentaires dès la rentrée 2021. Merci à tous. Merci Zora. Des interventions, Madame Desbordes-Silly. Oui, alors quelques mots quand même sur cette délibération qui est importante. Alors, premier élément, évidemment, nous nous félicitons collectivement de cette ouverture de crèche compte tenu du très faible taux de couverture petite enfance dans notre commune. Il y a comme souvent ailleurs en Seine-Saint-Denis trop peu d'établissements d'accueil collectif pour les jeunes enfants. Et il faut le rappeler, il n'y a pas eu de berceau créé entre 2014 et 2020. Il est donc urgent de faire de la petite enfance une priorité de cette mandature. Le caractère décisif des 1000 premiers jours de vie, tant sur le plan affectif que cognitif, a été rappelé récemment lors des débats qui étaient liés à l'allongement du congé de paternité. Alors, si nous nous réjouissons de cette ouverture et de ces 35 berceaux qui viennent d'être évoqués, vous nous demandez ce soir d'approuver le principe d'une délégation de service public, c'est-à-dire la gestion, de soumettre la gestion de cet équipement à un opérateur privé. Tu l'as dit, Olivier, y a pas, ça, vous créez un précédent, puisque les deux crèches Viennot et Lénine sont des crèches qui sont gérées en régie municipale. Alors, on a bien compris que vous justifiez ce choix par la nécessité de maîtriser les coûts, la charge salariale, d'optimiser le taux de remplissage ou le taux d'occupation, bon, de faire peser les risques de l'exploitation sur le délégataire. Et, comme vous l'avez rappelé, vous estimez le gain à 130 000 euros, le gain annuel à 130 000 euros pour la commune. Bon, vous avez évoqué la délégation, la DSP chauffage urbain, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Personne ici n'ignore à quel point il est difficile en pratique de conserver la maîtrise du service délégué. Et le chauffage urbain en est un exemple dramatique. Il est difficile de contrôler la bonne exécution des contrats ou de contraindre le délégataire en cas de défaillance. Bon. La gestion déléguée présente des risques. Quelles garanties avons-nous sur la qualité de l'encadrement quand on connaît le turnover qui sévit dans les entreprises du marché ? Quelles garanties avons-nous que le délégataire supportera réellement les risques d'exploitation et les déficits éventuels ? Quel sera son taux de rendement ? Peut-on exiger qu'il soit quasi nul dans le contrat de délégation pour cibler prioritairement les secteurs associatifs et mutualistes dans les réponses à l'appel d'offres ? Par ailleurs, sur la base du rapport de présentation, nous considérons, et je crois que je l'avais évoqué lors de la commission consultative des services publics locaux, que l'amplitude horaire, même si effectivement elle a été améliorée, est insuffisante compte tenu du nombre de bagnoletais et surtout de bagnoletaises qui travaillent en horaire décalé. Il aurait pu, puisque vous souhaitez faire appel à un opérateur privé et qu'on sait que traditionnellement les amplitudes horaires sont... C'est peut-être un des seuls avantages dans les cas de délégation de services publics que les amplitudes horaires peuvent être, dans les contrats de droit privé un peu élargis, réfléchir à une amplitude qui aille jusqu'à 19h30, voire 20h. Deuxième élément, je crois aussi l'avoir évoqué en commission, c'était la part allouée à l'accueil occasionnel, dont on sait qu'il permet de lutter efficacement contre les inégalités sociales. Bon. Pour terminer... Il y a un aspect politique dans la délibération que vous nous soumettez, et on voit aussi le signe d'une incohérence politique. Vous vous battez pour une remunicipalisation du service public de l'eau, Jean-Claude, c'est aussi à toi que je m'adresse, combat auquel, évidemment, nous nous associons. Bon. Vous vous battez pour le passage en régie à l'échelle de l'intercommunalité, dans le même temps, ce soir, vous nous proposez d'externaliser, de confier à un opérateur privé le service public de petite enfance. Où est la cohérence ? Les crèches sont et doivent rester des lieux de prévention, d'accompagnement à la parentalité, de correction des inégalités. Le choix de leur mode de gestion est un choix éminemment politique. L'accueil de la petite enfance est un service social d'intérêt général et il revient aux collectivités de défendre ce droit et de le préserver. Donc pour ces raisons-là, évidemment, nous voterons contre cette délibération. J'avais prévu d'intervenir, mais Olivier a fait une très bonne introduction qui n'a pas été complètement entendue. L'une des autres raisons pour laquelle le choix de la DSP est bonne dans ce cas, c'est aussi à cause du contrat de ville avec l'État, qui pénalise une augmentation du budget de fonctionnement. Or, le budget de la crèche aurait augmenté le budget de fonctionnement de la ville d'une façon telle que nous aurions encouru des pénalités. Donc c'est aussi un des éléments qui fait vraiment une grosse différence, et pas seulement les éléments que vous avez évoqués, Madame Silly. Anne de Rugy. Oui, je voudrais intervenir très brièvement là-dessus. Je pense que, d'une part, on est clair sur le fait que ce sont des raisons financières et des jeux d'écriture, comme ce qui a été très bien expliqué, et le fait de refuser des pénalités qui nous font aller vers la DSP. Ceci dit, je ne pense pas qu'on puisse faire une analogie entre le service public de l'eau pour lequel nous nous battons à Est Ensemble et le fait de sortir du CEDIF. Je le rappelle, il y a le même président, Jean-Claude le dira encore mieux que moi, depuis 40 ans, avec 10 VP hommes, donc vraiment avec derrière Veolia. Donc là, vraiment des profits. Et le service de l'eau est extrêmement lucratif. Je ne pense pas qu'on puisse faire une analogie entre ça et, comme tu l'as dit, Angeline, des mutuelles, des associations, des SCOP et aussi des entreprises privées qui vont répondre à l'appel d'offres. S'il est possible, je ne sais pas, en termes de code des marchés publics, s'il est possible, mais je ne pense pas qu'on puisse orienter le type de réponse, il est clair que la réponse associative aura notre préférence. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut déterminer à l'avance, il me semble. Olivier. Oui, on a eu un échange très constructif lors de la CCSPL ensemble. Donc, je ne suis pas surpris, évidemment, des éléments que vous avez soulevés ce soir. Quelques éléments de réponse tout de même. Bon, la priorité pour la petite enfance, elle existait déjà avant. La preuve, si on livre une crèche 6 mois après le début de cette mandature, c'est bien qu'on l'a engagée précédemment. Sur le fait qu'on aille vers un opérateur privé, je rappelle qu'aujourd'hui, la moitié de l'offre en crèche de la ville, c'est une offre dans des crèches privées. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous avons engagé, c'est quelque chose qui existait lorsque nous sommes entrés en responsabilité. La délégation de service public, si elle met en gestion un opérateur privé, reste une délégation de service public. Ça reste quelque chose qui est géré par la ville, par le contrat de concession, avec des obligations importantes qui sont fixées aux opérateurs, qui sont beaucoup plus restrictives et beaucoup plus intensives que celles qui seraient prévues simplement par le respect des normes législatives et réglementaires en vigueur. On a parlé tout à l'heure de l'alimentation, on a parlé du contenu pédagogique. Donc ces choses-là, elles sont beaucoup plus... Enfin, on a beaucoup plus la main dessus parce qu'on est dans une DSP qu'on l'aurait si on était simplement dans une gestion privée où on est client d'une crèche et on prend ce qu'ils veulent bien nous donner et on prend 10 berceaux, 15 berceaux, 20 berceaux. C'est ça la réalité aujourd'hui sur Couture, par exemple. Donc je ne fais pas de jugement entre la qualité de l'offre de chaque crèche, simplement sur la procédure elle-même, délégation de services publics est meilleure en termes de gestion publique que la moitié des crèches que l'on a aujourd'hui sur la ville. Sur la maîtrise du service délégué, donc on aura, comme pour toutes les délégations de services publics, un bureau d'études qui nous accompagnera sur le contrôle de la délégation de services publics. C'est notamment à cela que sert la redevance d'occupation du domaine public à financer ce type de prestations. Ça donnera lieu à l'émission d'un rapport annuel. Ce rapport annuel sera présenté chaque année avant le 1er juillet en commission communale des services publics locaux, comme je l'expliquais l'autre soir, comme le sera d'ailleurs le rapport sur la DSP de la société de chaleur de Bagnolet. Je rappelle également que l'amplitude horaire est supérieure à l'amplitude horaire des crèches municipales actuelles et que, s'agissant des attributions, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, 100% des berceaux sont attribués en CAMA. Donc 100% des berceaux sont bien attribués par la ville. Donc, de ce point de vue-là, on est bien sur une gestion avec une priorité donnée aux Bagnoletais qui répond aux besoins des Bagnoletais en matière d'accueil de la petite enfance. Donc, je voulais rassurer sur ces points-là. Laurent Jamais. Je ne rajouterai rien à ce que dit Angeline. Juste pour relever une petite erreur, c'est que, à mon avis, la crèche privée qui est rue Sadi-Carnot à côté de l'église, elle a été faite sous votre mandat, elle a été impulsée sous votre précédent mandat. Mais c'est une crèche, comme je l'ai évoqué dans mon introduction tout à l'heure, il y a d'autres crèches que des crèches municipales sur la ville. Et c'est très bien, puisque l'intérêt... Non, mais le service de la petite enfance, c'est une diversité d'offres. Il faut des assistantes maternelles, il faut des crèches privées, des crèches publiques, il y a des crèches familiales, il y a des crèches d'entreprise. Tout ce qui peut contribuer à maximiser l'offre, à la fois en termes de volume et en termes aussi d'accessibilité sociale sur la ville, est positif. Il faut qu'il y ait un maximum de solutions de garde pour les habitants de la ville. Donc ce n'est pas un problème qu'il y ait des crèches privées qui s'installent sur la ville. On préfère une crèche privée qu'un kebab en rez-de-chaussée d'un immeuble, j'imagine. Pour autant, sur les crèches dans lesquelles la ville prend des berceaux, c'est-à-dire des crèches dans lesquelles la ville attribue des places, je suis désolé, mais nous n'avons pas créé une crèche privée, nous avons créé une crèche publique qui sera mise en gestion d'un opérateur, certes privé, mais dans le cadre d'un contrat de concession. Donc de ce point de vue-là, on est sur un domaine qui est plus en gestion publique que ne l'est aujourd'hui la moitié de l'offre de la ville de Bagnolet à Bagnolet. Garrido. On a déjà eu une première discussion sur ce point en commission sur lesquelles il y a eu des avancées. Et je note dans l'intervention de Mme Zorakeli que certaines réponses ont été apportées ce soir et j'en prends acte. Je note aussi que l'intitulé lui-même de, de ce qui est soumis à notre vote a été un peu modifié, en effet, parce qu'on avait noté en commission que nous étions officiellement saisis du principe de la délégation de services publics, mais pas du contenu prévu politiquement du cahier des charges. Or, c'est là que se niche évidemment tout l'enjeu politique en détail, puisque, par exemple, l'élément qu'a abordé Angéline Desbordes, qui est la question de la lucrativité et de combien en fait on va autoriser le prestataire, le concessionnaire, à gagner de l'argent sur le dos des familles bagnoletaises. C'est une question importante qu'on aurait pu décider tous ensemble en conseil municipal. On l'a dit, l'amplitude horaire. On l'a souvent dit, nous, une ville dans laquelle les femmes, et notamment les femmes qui sont seules au foyer avec leurs enfants, ont une situation particulière à laquelle on peut peut-être répondre justement en étant très novateur. Et quand Angéline dit une amplitude d'horaire à 19h30 ou 20h, et c'est bien sûr, c'est plus important déjà que ce qui existe en régie publique, mais du coup, on peut même aller au-delà, pourquoi pas 21h. Il y a des crèches dans des quartiers populaires du nord de la France qui sont des crèches de nuit. À partir du moment où, de toute façon, vous avez décidé, pour la raison, je crois, qu'a bien expliqué Mme Félix, qui est de ne pas gréver le budget fonctionnement. Et en fait, à partir du moment où on fait tactiquement, en quelque sorte, on enlève du budget fonctionnement ces personnels-là et ce service-là, on accepte, du coup, la contrepartie qui est le caractère privé de l'opérateur. Bon, ben, alors, du coup, allons-y. Soyons créatifs, soyons audacieux, et essayons de répondre avec un peu plus de précision aux problématiques qui se posent pour les femmes de Bagnolet. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu travailler tous ensemble au conseil municipal un petit peu plus, sur lequel on aurait pu être saisi. Alors, j'ai noté le calendrier qui a été présenté par M. Tarabella. Je note qu'on sera saisi, si j'ai bien compris, d'un cahier des charges proprement dit au mois de mars. Parce que, effectivement, à ce stade, même si nos débats sont enrichissants, il n'en demeure pas moins que ce que nous votons ce soir, c'est les pleins pouvoirs au maire pour prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de délégation de services publics. Donc, à cette étape, ce qui est voté, c'est ça. C'est-à-dire, c'est monsieur le maire qui va décider tout seul de ce qu'il fait. Tout le reste, ce sont des engagements verbaux qui ne sont pas votés. Voilà, donc nous semble que c'est un sujet suffisamment important dans la vie des bagnoletaises et des bagnoletais pour qu'on en soit tous saisis en tant que conseiller municipal dans le pluralisme de nos groupes. Voilà, merci. Olivier. Moi, je veux rappeler d'abord sur l'opérateur lui-même. C'est un opérateur qui est privé par opposition au fait qu'il soit public. Mais qui dit opérateur privé, comme l'a très justement dit Anne de Rugy tout à l'heure, ne veut pas dire que c'est une entreprise du CAC 40. Si c'est une association, si c'est une SCOP, ce sera très bien et ce sera même probablement mieux, sous réserve évidemment du respect du code des marchés publics, enfin du code de la commande publique plutôt. Mais si vous voulez, Il y a des opérateurs privés très bien dans toutes ces structures-là. Nous aurons, ça a été dit tout à l'heure par Zora Kelly, une attention très particulière sur le contenu pédagogique, sur la qualité de l'offre, sur la tarification sociale, sur tout ce qui sera proposé et qui ira dans le sens du meilleur service proposé aux enfants. Il ne s'agit pas d'essayer de mettre ça dans le domaine privé pour avoir le truc le plus rentable possible. Ce n'est pas une tactique, même si j'ai senti que ce n'était pas péjoratif dans notre esprit, mais c'est simplement que nous avons une contrainte financière très forte. Nous avons la possibilité d'avoir une qualité d'offre probablement aussi bonne, au moins, que la régie publique, parce que nous allons mettre des critères extrêmement stricts. Et ça permet de répondre aux contraintes financières qui sont les nôtres et de dégager ces moyens pour faire autre chose. Et quand je dis ces moyens pour faire autre chose, ce n'est pas pour construire une piscine olympique, c'est bien pour construire des écoles et des crèches. Donc on est vraiment sur des priorités au cœur de l'action municipale. Après, juste précision, le cahier des charges, non, ce n'est pas le cahier des charges qui est repassé au conseil municipal, c'est la désignation du candidat retenu. Le cahier des charges lui-même, comme pour toutes les procédures de commande publique, il ne nous est pas connu à l'avance, ne serait-ce que pour permettre le respect de la réglementation sur le secret de son contenu, juste pour qu'il y ait une loyauté de la procédure. Il y a un certain nombre de dispositions du code monétaire et financier qui obligent à avoir une certaine confidentialité dans la procédure. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne fait pas l'objet d'un débat. Par contre, l'économie générale de la délégation de service public, ce qu'on vous demande de valider ce soir, elle vous est connue, elle est dans le document qui vous a été présenté. Vous dites le maire aura les pleins pouvoirs, non. On vote un document qui dit la DSP c'est 6 ans. Demain, si on présentait, enfin au prochain conseil municipal en mars, si on venait avec une délégation de service public attribuant un marché pour 15 ans à une société, vous saisiriez le préfet qui ne manquerait pas de déférer la délibération en disant ce qui avait été validé initialement c'est 6 ans, c'est pas 15 ans. Donc, il n'y aurait pas de difficulté, vous voyez. Donc, l'économie générale, elle est bien présente dans le document. Oui, il n'y a pas tout le cahier des charges. Mais si tout le cahier des charges est connu, en termes de procédure de marché public, c'est un peu compliqué quand même. Donc, voilà, il y a un entre-deux à trouver. On a essayé de mettre le plus d'éléments dedans. Il y a aussi des éléments qui ne sont pas dedans, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été finalisés, arbitrés entre nous. Vous avez une municipalité, encore une fois, qui est là depuis seulement 3 mois, dont 2 mois, un mois et demi de période estivale. Il y a encore quelques petites choses à faire. On a un calendrier qui est contraint. L'idée, c'est d'essayer d'aller quand même suffisamment vite pour ouvrir en septembre 2021. Donc, c'est, voilà, c'est l'adéquation qu'on a essayé de mettre dans ce document. Anne Garrido. Oui, merci. Juste, je me permets juste de rectifier sur un point. Non, le rapport qui est attenant à la délibération ne vous oblige pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je rappelle, que vous ne mettez pas les rapports dans les comptes rendus des votes et tout ça. Vous mettez simplement c'est le dispositif. C'est un vote d'un dispositif. Et le dispositif, c'est il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe du recours à un contrat de délégation de service public pour la gestion de la crèche Toffoletti et, par voie de conséquence, autoriser le maire à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de délégation de service public. Et c'est tout. Pour le reste, ce qui est dans le rapport, c'est pour information. D'ailleurs, on a même un cours de droit sur droit administratif sur la différence entre la régie et la délégation de services publics, ce qui, par définition, ne peut pas être soumis à la délibération. Ce n'est pas dans la délibération. On a eu Mme Kelly qui a rajouté la question de la neutralité religieuse des personnels, qui est effectivement un sujet qui, d'évidence, fait partie des choses que politiquement doivent être décidées par une mairie, sans quoi on se retrouve avec des contentieux interminables type Babylou. La question de l'amplitude horaire, on en a parlé, la question des tarifs, tout ça, à ce stade, n'est pas, ne vous engage pas. Donc, je le répète, ce sont des paroles verbales. Et moi, je considère qu'on est, en tant que collectif humain politique, suffisamment adulte pour être saisi de ces sujets-là. Peut-être pas sur la forme précise du cahier des charges proprement dit, mais sur un document un peu plus important, et pas juste à ce moment-là, à la fin, quand il s'agira de choisir l'opérateur. À ce moment-là, je vous adjure d'organiser entre nous, au sein du conseil municipal, quelque chose, ne serait-ce que par exemple en commission ad hoc ou groupe de travail, que sais-je, mais quelque chose sur lequel on puisse se prononcer politiquement, parce que sans quoi, là, on passe de ces 4 lignes à, finalement, un résultat final sur lequel, à la fin, puisqu'on vous aura tout délégué les pouvoirs ce soir, enfin, nous, on votera contre, mais votre majorité est d'accord pour tout vous déléguer. Du coup, à la fin, s'il y a un problème, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et pas la possibilité de saisir ni le préfet, ni le tribunal administratif. Olivier. si vous voulez être au même niveau d'information que nous, je vous invite à rejoindre la majorité municipale. C'est encore la manière la plus rapide. Non, c'est une boutade, mais je pense qu'on a été dans cette procédure extrêmement transparent. Je vais vous donner un exemple complémentaire. J'ai croisé jeudi dernier Michel Venon de l'ULCGT qui m'a informé qu'il n'avait pas pu réceptionner en temps et en heure sa convocation pour la CCSPN, ce qui a fait que, comme vous avez pu le constater, Madame Desportilly, la CGT n'avait pas pu participer à cette réunion. Je lui ai proposé immédiatement qu'on se voit, et lundi de cette semaine, on a passé 45 minutes avec M. Venon et Angela Gellewen dans mon bureau à refaire la réunion de la CCSPL, et j'ai répondu pendant 45 minutes à toutes leurs questions sur le contenu, sur nos objectifs, sur ce qui motivait le choix des DSP, etc. Rien n'y obligeait. Ils n'avaient pas été là dans les délais. Non mais, les convocations ont été envoyées en temps et en heure. Ils n'ont pu la réceptionner, pour les raisons qui leur appartiennent, que le lendemain de la réunion. Comme il ne s'agissait pas de les exclure, moi je leur ai proposé un rendez-vous. Et on a refait ce travail-là. Donc c'est bien la preuve qu'on essaye d'associer autant que possible ceux qui le demandent et qu'on n'a rien à cacher et qu'on a pu échanger en toute transparence et de manière très constructive pendant 45 minutes. Ça ne vous surprendra pas qu'ils nous aient dit qu'ils étaient opposés au principe de la DSP. Mais au moins, on a pu avoir cet échange. Et je pense que chacun est ressorti avec des éléments d'information qui permettent d'avancer dans ce dossier où on est d'accord qu'on est en désaccord. Voilà, donc je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire en termes de procédure. Il y aura encore deux commissions de délégation de services publics avec des élus de la majorité et de l'opposition. Il y aura ensuite encore un passage en conseil municipal où vous pourrez reposer un certain nombre de questions avec des éléments évidemment qui seront actualisés de ce qui se sera passé dans toute la procédure. Donc je ne vois pas où se trouve la difficulté. Donc le travail va se poursuivre. Madame Desportilly. Juste deux mots pour répondre à Anne de Rugy. Alors déjà, effectivement, en CCSPL, il y avait la coordination Île-de-France qui a voté en faveur de la DSP. Bon, je note, c'est surprenant pour le moins. En commission consultative, il y avait une personne représentative de la coordination Île-de-France. Bon. Ouais, bon, ça c'est le premier élément. Et pour répondre à Anne de Rugy, évidemment, on ne va pas comparer Veolia et puis Babylou, les petits chaperons rouges. Il n'empêche que dans les collectivités, dans les communes qui sont passées en DSP, évidemment, les villes de droite, elles vous ont pas attendu. Ça fait 10 ans qu'elles passent en DSP et qu'elles déshabillent le service public de la petite enfance. Vous savez ce qu'on dit de Babylou et des petits chaperons rouges, qui sont plus forts pour faire des business plans que des projets pédagogiques. Donc c'est juste ça. Là, on est en train d'ouvrir une brèche. Après, vous dites qu'il y a des contraintes financières fortes. OK, mais simplement, nous, on se positionne aussi en tant que groupe d'opposition de gauche, autant de gauche que vous, mais en tout cas, c'est une position politique très forte. Attention, ça signifie qu'à Bagnolet, on n'est pas capable d'avoir plus de 2 crèches en régime municipal. Pour une ville de 36 000 habitants, il y a un point d'alerte, nous semble-t-il. Bon, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante, approbation de l'accord cadre relatif à une mission d'AEMO pour des études d'aménagement d'infrastructures linéaires et d'espaces publics. Olivier, Edith, qui veut dire un mot? Edith, non, Olivier. Je voulais passer mon tour, mais... Non, c'est juste, dans notre programme, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'engagements en matière de transformation de l'espace public, qu'il s'agisse de la voirie, d'esplanade, de développement des mobilités douces, de place de l'arbre en ville, de place de l'eau en ville, etc. Ça nécessite un certain nombre d'études et d'expertises qui ne sont pas des compétences que nous avons en totalité en interne. Il nous a donc semblé pertinent de solliciter une assistance à maîtrise d'ouvrage sur toutes ces questions. Et puisque nous aurons des travaux de cette nature tout au long du mandat, il s'agit d'un contrat qui va couvrir l'ensemble de ces besoins. Donc c'est l'esprit de cet appel d'offres. Est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. La délibération suivante concerne la demande de protection fonctionnelle que j'ai eu l'occasion de faire suite aux propos tenus par Claire Laurence au sein de ce conseil municipal. Donc s'agissant d'une demande de protection fonctionnelle me concernant, je vais céder la parole à Olivier Tarrella et vous laisser débattre. Bien, donc, Tony Di Martino a a sollicité la protection fonctionnelle de la ville de Bagnolet. Comme vous le savez, si la protection fonctionnelle est automatique, s'agissant d'agents de la ville, elle ne l'est pas s'agissant des élus, même s'il existe cette protection. Il revient donc au conseil municipal de délibérer sur le bien fondé de cette protection. Je précise que l'objet de cette délibération n'est pas de débattre du bien fondé de la plainte elle-même, ni de la nature des propos qui ont pu être tenus, ni de leur qualification. Il revient à la justice et à elle seule de déterminer ici s'il y a à la fois lieu à poursuite, s'il y a culpabilité et les peines éventuelles qu'il y aura lieu de prononcer le cas échéant. Le débat aujourd'hui, c'est de savoir si nous sommes dans le régime, effectivement, de la protection fonctionnelle suite à la demande qui a été faite par, par Tony Di Martino. Donc les propos qui ont été tenus le 3 juillet dernier peuvent relever, au regard de leur nature, de la qualification de diffamation publique, qui est effectivement un des domaines pour lesquels la protection fonctionnelle peut être demandée. Comme vous le savez, l'article 21-23-35 du Code général des collectivités territoriales octroie cette protection fonctionnelle au maire ou aux élus municipaux, le suppléant contre les violences, menaces ou outrages dont ils sont victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. La jurisprudence interprète le texte de façon assez large. Elle considère que la protection peut être accordée à raison de toute menace ou attaque, comme par exemple les faits de diffamation. Pour ce qui me concerne, je considère que les conditions permettant l'octroi de cette protection fonctionnelle sont réunies. En effet, dans un arrêt du 3 février 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé la délibération du conseil municipal de Vendargues, lequel avait accordé la protection de la commune à des élus municipaux suite à la plainte pour diffamation qu'ils avaient déposée à l'encontre de conseillers municipaux de l'opposition. Donc, sur cette base, il m'apparaît que la jurisprudence confirme que dans ce cas d'espèce, il y a lieu, si vous le décidez collectivement, d'accorder la protection fonctionnelle. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Si jamais. Oui, chers collègues. Lors de l'installation de notre conseil municipal, le maire fraîchement réélu s'adressait à notre groupe d'opposition en nous signalant, je le cite, « Je souhaite que l'opposition soit exigeante ». Alors c'était des paroles étranges, parce que généralement, on souhaite que l'opposition soit constructive, qu'elle ne se contente pas, je dirais bêtement, de s'opposer, qu'elle soit constructive. Vous saviez, connaissant un certain nombre d'entre nous, que c'était une préoccupation qui était inutile. Donc, vous avez souhaité qu'on soit exigeant. Alors, pour parfaire notre exigence, évidemment, tout cela ne pouvait pas se traduire autrement que par une écoute de nos propositions, un respect de nos interventions. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on vit depuis le début de ce mandat. Un mandat qui est aujourd'hui marqué par le rétrécissement autour du maire et de sa garde rapprochée. Honteuse installation du conseil municipal, censure de notre première tribune, envoi en retard de différents dossiers, convocation à des réunions dans des délais rétrécis, eux aussi, dossier incomplet, ce qui conduit d'ailleurs même des élus en commission ou même dans les rues de Bagnolet à s'excuser de ces conditions auprès de nous. On assiste aussi, pour mettre à mal, justement, notre exigence, à une volonté de voir disparaître l'opposition d'un certain nombre d'organismes, comme par exemple l'OPH. Exigeant, je pense l'avoir été, par exemple, lors du précédent mandat, comme élu de l'opposition, au sein du conseil d'administration de l'OPH. Dans la liste qui a été proposée hier soir au conseil de territoire, sur 15 personnes, pas une seule représente notre sensibilité. Pas un seul. Je crois que la volonté est claire, ne voir qu'une seule tête, et évincer le débat contradictoire dont l'opposition est garante dans un état de droit. Plus d'intervention possible, par exemple, de notre part, sur la propreté, les rats, le bazar des compteurs d'eau, sur l'installation du compteur Linky à l'OPH, sur les incivilités, sur l'absence de lumière dans nos quartiers HLM, comme hier soir rue Pierre Curie, ou la semaine dernière, rue de la Barre. Plus de possibilité de garantir aux bagnoletais et aux bagnoletaises, locataires de l'OPH, la possibilité d'une intervention de ce type au conseil d'administration. De même, on l'a vu ce soir, dans les différentes désignations, pas un élu désigné pour siéger dans des organismes. J'imagine qu'évidemment, vous tremblez de peur de voir un élu au conseil d'administration de la maison de la Duise. J'imagine que ça soit terrible. Pas un élu représenté au conseil d'administration des rencontres chorégraphiques au moment où nous dénonçons, dans le même temps, la baisse de subventions à cette structure si emblématique. Mais je crois que vous ne voulez pas en rester là. Vous souhaitez aussi criminaliser l'action politique, nous faire taire, et je pense avoir les mains libres. Faire peur aux élus, nous intimider. Intimidation avec les plaintes contre un militant proche de Claire Laurence et contre Claire Laurence elle-même pour des paroles prononcées au sein du conseil municipal. En plus de la plainte, ce que vous souhaitez obtenir ce soir, c'est la protection fonctionnelle contre Claire Laurence. D'une plainte passablement risible, personnelle du candidat Tony Martineau, vous voulez faire supporter les frais de justice aux bagnoletais. Non seulement vous voulez museler l'opposition, mais en plus, vous souhaitez que l'argent de nos impôts serve à cela. Alors, je vais vous dire une chose. Nous, on est prêts à la voter, la protection fonctionnelle, à une seule condition. Puisque vous vous considérez diffamé, la justice devra trancher, et vous l'avez dit. Néanmoins, nous considérons que dans ces conditions parfaitement légitimes et démocratiques de défendre également Claire Laurence contre votre attaque, et nous vous demandons le parallélisme des formes afin que Claire Laurence bénéficie à son tour de la protection fonctionnelle. Car au fond, c'est elle qui est attaquée ce soir. Nous regrettons les formes délétères que vous employez pour faire vivre notre démocratie locale de cette façon. Un refus de la majorité dans cette décision, puisque la demande de protection fonctionnelle est de droit, encore faut-il qu'elle soit votée par le conseil municipal, marquera le début pour les 6 prochaines années à venir, sera le signe manifeste d'un abus de pouvoir. Pour le reste, je veux vous rassurer, soyez sans crainte, nous serons exigeants. Merci. Monsieur Donnel. Monsieur Jamais, être exigeant, ça ne veut pas dire être infamant. Je vais revenir un instant, Madame Laurence, sur l'explication pour mon groupe du vote qui sera un vote pour la protection fonctionnelle. Il y a quelques semaines, le maire de Bagnolet est venu me trouver. Il m'a fait part de son souhait de porter plainte et il voulait être certain que l'ensemble de la majorité municipale, dans sa diversité, l'approuvait. On lui a répondu oui, un oui franc et déterminé pour une seule raison. C'est que les propos que vous avez tenus, seule la justice pourra en juger. Mais ce soir-là, quand vous avez parlé de caïd stipendié, vous avez parlé non pas de l'élection du maire, mais de l'ensemble de la majorité municipale et des 31 membres qui forment la majorité municipale, dont les 9 de Bagnolet en commun. Vous avez eu une vision ou une révélation de ces fameux caïds. Alors je vous laisserai à l'imaginaire colonial que ça véhicule. C'est des propos sarkozo-darmanien. On attendait le Karcher. Et on a du mal à comprendre ce que ça venait faire dans un conseil municipal, parce que la campagne était terminée. La campagne était terminée. Or, j'ai l'impression qu'on était dans un moment de retour d'expérience. Vous nous expliquez d'un côté, vous, que, selon votre perception, nous serions allés acheter des voies de quartier. Il y a 2 semaines, Madame Garrido, à la télé, explique à Aude Lancelin qu'un front bourgeois s'est levé contre votre liste. Du coup, on a du mal à comprendre, c'est les bourgeois ou c'est les bobos ou c'est les caïds. On a du mal à comprendre ce qui a fait cette défaite, qui est en fait un écart de 11 points, ce qui n'est pas rien. Encore une fois, accuser les membres du conseil municipal dans leur globalité d'être allés acheter des voix, gager qu'on peut demander à la justice de trancher sur ce propos-là, c'est relativement grave. Donc je m'en tiendrai là dans l'explication de vote, c'est une perception, c'est la justice qui tranchera, mais effectivement, pour notre groupe, nous voterons la protection fonctionnelle pour une seule raison. Il y a 31 membres de la majorité municipale qui sont potentiellement concernés, et les 9 de Béco voteront pour. Merci, Monsieur de Noël. Monsieur Oliva, et après, Madame Laurence. Oui. En fait, je voulais d'abord revenir sur les propos tenus par Laurent Jamais. Laurent Jamais se plaint, Laurent Jamais se victimise. Pourtant, ce n'est pas Laurent Jamais qui est attaqué, c'est le maire et la majorité municipale qui ont été attaqués par les propos tenus par Claire Laurence. C'est des faits qui sont graves. Je ne vais pas vous les relire, mais quand même, tout ce qui a été dit là, c'est quand même, ça va très très loin. Et donc, effectivement, notre groupe est favorable à l'octroi de la protection fonctionnelle à Tony Di Martino. Je veux simplement donner une raison, on pourrait en donner d'autres. Mais moi, je trouve que les propos tenus par Claire Laurence au conseil municipal d'installation ne constituent pas un incident isolé qu'on pourrait mettre au compte de ces déceptions électorales successives et sur lequel on pourrait passer. C'est une démarche même qui a animé sa campagne électorale. Et d'ailleurs, comme le soulignait, comme le disait Laurent Jamais, un militant proche, effectivement, de Claire Laurence est également poursuivi pour des propos diffamatoires tenus lors de porte-à-porte. Tout a été misé sur le fonctionnement des réseaux sociaux pour produire un climat délétère où la vérité cède le pas à la vraisemblance et le réflexe à la réflexion. Dans cette optique, on ne se préoccupe pas de l'exactitude des propos, mais uniquement de l'effet qu'ils peuvent avoir sur celles et ceux qui y sont soumis. Donc, on choisit ce qui peut révulser le plus les électeurs et les électrices pour discréditer son adversaire. Cette volonté de fabriquer une réalité alternative a manifestement et heureusement échoué devant le sens critique et l'intelligence collective des électrices et des électeurs de Bagnolet. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une atteinte grave au principe même de citoyenneté qui suppose information vérifiable et débat contradictoire. C'est une tentative de déplacer la vie politique du choix entre différentes options et candidats vers un cadre formé de rumeurs montées de toutes pièces. C'est toxique pour la démocratie, c'est pourquoi nous nous y opposons fermement. Merci, Madame Laurence. Merci de me donner la parole. Évidemment, étant attaqué juridiquement, je ne vais pas m'étaler sur ce que j'ai déjà dit et que j'assume. J'aimerais juste répondre premièrement à Édouard de Noël qui reprend ses calomnies à mon encontre. Il continue sur la même lancée. Toute cette campagne de calomnie sur le fait que je suis raciste, que la liste Jean-Laville est raciste et que le fait d'employer le terme de caïd, c'est vraiment une preuve indubitable de mon racisme. Mais c'est le mot caïd, c'est un mot algérien d'origine qui est rentré dans la langue française. Il n'y a rien de raciste à employer ce mot-là. Donc, je pense que là, il y a vraiment une rengaine dans laquelle vous êtes lancé qui est particulièrement fallacieuse, en fait. Et non, mais là, pour le coup, il n'y a pas de doute, en fait. Vous êtes clairement dans la communauté à mon encontre. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qui est le plus grave, c'est que. Mais on le comprend, c'est que vous mettiez sous le tapis des rumeurs qui ont existé dans la ville et c'est salutaire de les poser sur la table et c'est salutaire de demander au maire ce qu'il en pense. Merci, Monsieur Jamais, Madame Garrido. Oui, je crois qu'on se trompe en fait. Ici, on est dans un conseil municipal. Et donc, il n'est pas de la responsabilité d'un tel ou un tel de qualifier les choses, puisque vous avez dit tout à l'heure vous-même, Monsieur Tarabella, qu'il revenait à la justice de le faire. Très bien. Donc, les propos de Monsieur Denoël et de Monsieur Oliva sont totalement déplacés. Par ailleurs, je dirais à Monsieur Oliva la chose suivante. S'il savait le tombereau d'injures qui revenait sur mon compte ou sur celui, par exemple, de Raquel Garrido ou sur Claire Laurence, je crois que de ce point de vue-là, il faudrait mieux se taire. Par ailleurs, je vous ai posé une question. Et d'ailleurs, Claire Laurence est prête à sortir également pour savoir si on lui accorde ou non la protection fonctionnelle, parce qu'encore une fois, ce n'est pas à vous ici de trancher les faits, mais c'est bien à la justice. Je répondrai à votre question, évidemment, Monsieur Jamais, à la fin des prises de parole, si ça vous convient. J'ai Madame Garrido qui a demandé la parole, et après Madame Le Bourris. Oui, je note qu'on est déjà, en fait, le procès a déjà commencé. ce qui est bien la signature, en fait, de la raison même de cette plainte qui, pour moi, n'a strictement rien à voir avec la protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, c'est quelque chose qui existe pour défendre les fonctionnaires dans l'exercice de leur travail de service public. Et lorsqu'ils sont attaqués ou lorsqu'ils sont attrés dans des contentieux dans l'exercice de l'exécution de ce service public, eh bien, on considère que comme ils défendent l'État, comme tout ce qu'ils font est au nom de l'État, eh bien, c'est à l'État et donc aux contribuables d'assumer les coûts de justice afférents à ce contentieux. Là, les interventions qui viennent d'être faites par M. Desnouel et M. Oliva, sont lumineuses. C'est absolument pas le sujet de la protection fonctionnelle qui est en jeu ce soir, c'est de la polémique politique, voilà. C'est de la polémique politique qui, du coup, va s'approfondir, c'est-à-dire après chacun fait une petite surenchère. Moi, par exemple, du coup, qui n'avais pas spécialement prévu d'intervenir sur la question, bah, quand j'entends M. Desnouel faire se sentir très très scandalisé par les propos de Claire Laurence et venir à la défense de Tony Di Martino, ben je me dis mais comment se fait-il que du coup il ne réagit pas de la même façon lorsque Tony Di Martino le 28 mars 2019 lui fait envoyer une lettre anonyme au Sénat à son employeur d'intimidation, lettre islamophobe, hein, je veux dire, je peux vous la lire. Alors, M. Di Martino fait dire à son émissaire que M. Desnouel a un rapprochement avec plusieurs personnes à Bagnolet dont la réputation n'est malheureusement plus à faire, des noms comme Youssef Brakni, son épouse Fatima Wassak, Brahim Emraddan. C'est avec ces personnes que M. Desnouel a organisé un rassemblement officiellement dédié à la paix contre les attentats de Christchurch, mais où il énumère en main les victimes de l'islamophobie entre questions. Il gravite également avec le dénommé Jimmy Parra, ancien élu, français et musulman, ou blablabla, blablabla, et Majid Metsaouden, et Tahabouaf, et Mehdi Meklat, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un texte d'intimidation dont Tony Di Martino a voué être l'auteur, en tout cas le commanditaire, auprès du journaliste de Libération Rachid Lahirèche, qu'il a publié la veille du premier tour. Donc franchement, Édouard Desnouel, quand on se veut le parangon et le défenseur des grands principes de démocratie, des grands principes des valeurs humanistes et de pluralistes, on commence par balayer devant sa porte. Et on aimerait bien, nous, savoir, les habitants de Bagnolet, où en est la plainte que vous êtes censés déposer contre Tony Di Martino. Et si jamais vous avez pardonné, parce que pour vous, l'islamophobie et les menaces professionnelles sont quelque chose de pardonnable, on aimerait bien aussi avoir des interventions éloquentes, comme vous avez fait à l'instant, pour venir aggraver prétendument le cas de Claire Laurence. Franchement, je vous trouve tous ridicules. Vous êtes ridicules. Je pense que les gens qui nous regardent là sur Facebook, combien sont-ils? Ils sont 60. Ils doivent rire. Et on va se dire, mais qui c'est cette bande de politiciens qui abordent des sujets politiques et qui s'attaquent entre eux, et en plus avec l'argent des impôts, alors qu'ils viennent d'expliquer qu'il n'y avait pas assez d'argent d'impôts pour payer une crèche en régie publique, mais par contre, de l'argent des impôts pour s'attaquer entre opposition et majorité, ça, il y en a, parce que si on commence ça au 3e conseil municipal, qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 ans, les amis, hein? Donc moi, j'invite tout le monde à un petit peu de mesure. Tony Di Martino, il a tout à fait le droit... Tony Di Martino, il a tout à fait le droit de porter plainte contre qui il veut. Il le fait en son nom propre, mais s'il vous plaît, de grâce, ne le faites pas avec nos impôts. S'il vous plaît. Donc. Non. Non. S'il vous plaît. Pas de discussion croisée avec le public, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'avais vu Madame Le Bourris, mais comme M. Desnouel a été mis en cause dans le cadre d'un fait personnel, je vais lui permettre de répondre d'abord à Madame Garrido, puis je donnerai bien sûr la parole à Madame Le Bourris. Madame Garrido, je vous ai connue insoumise, je vous découvre trumpiste, adepte de la fake news. Je voudrais juste préciser un élément. Il n'y a jamais eu aucun message à mon employeur. Premier élément. Deuxième élément, le passage... Attends, vous t'as accusé Alexis d'en être l'auteur pendant un an. Madame Garrido. Mais t'es un guignol. Madame Garrido, s'il vous plaît. Deuxième élément. Deuxième. S'il vous plaît, quel un instant. Clown, Édouard Dinouel, tu es un clown sans audace, sans honneur. Tu as accusé Alexis Corbière pour toute plaît. Ta ville d'être l'auteur de ce mail et maintenant tu lui dis qu'il n'existe pas. S'il mais vous plaît. Franchement, mais. Madame Garrido, s'il vous plaît. Vas-y, prends ton indemnité mensuelle, s'il te plaît. Oh. Vas-y, prends-la. S'il et vous plaît. Restons-en là. Hein, parce que franchement, là, on est dans la dégradation de la politique comme rarement j'ai vu. Madame Garrido, s'il vous plaît. Je crois avoir laissé se dérouler le débat de manière très posée, sans, en donnant tout le temps de parole nécessaire. Écoutez, bien sûr. Monsieur Jamais, s'il vous plaît. Vous expliquerez à la fin du conseil municipal, c'est pas le lieu. Non, s'il vous plaît. C'est un sujet qui est manifestement passionnel. Donc si on pouvait essayer de garder un minimum d'ordre dans la manière dont les choses se déroulent, je laisse tout le temps de parole nécessaire à votre groupe, il y aura ensuite Madame Le Bourris. Si on peut s'écouter, j'ai laissé Madame Garrido, y compris sur des sujets effectivement assez éloignés de la délibération, s'exprimer librement, Monsieur De Noël va lui répondre, puis Madame Le Bourris. Donc, je termine mon propos. Je suis très calme, il n'y a pas besoin de s'énerver. Le passage là dont vous avez fait une litanie, je crois reconnaître une publication d'extrême droite, appréciée de certains dans cette ville. Alors, je ne veux pas attaquer vos collègues de boulot, mais je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. En fait, la campagne, elle est finie. Elle est finie, la campagne. Donc, on s'arrête là, on arrête de citer Valeurs Actuelles, on arrête de balancer des fake news, on en revient à la base. Parlez de mon honneur tant que vous voulez, parlez de mon indemnité tant que vous voulez, peu me chaud. Merci. Merci, Monsieur De Noël. Madame Le Bourris. Alors déjà, c'est Libération. Hein. Madame Garrido a cité les lignes de Libération. C'est écrit noir sur blanc, je pense savoir lire, puisque moi-même j'apprends à lire et à écrire aux enfants. Vous avez accepté les excuses de M. Di Martino. Excusez-nous, peut-être qu'on interprète mal. Mais vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé de 11 points. Moi, je vais vous parler de 63% d'abstention. C'est un peu, je vais revenir avec ma première intervention sur M. Oliva. Votre attitude et le fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'abstention. Les gens ne se déplacent plus parce qu'ils sont écœurés par ce comportement-là. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien que depuis tout à l'heure, vous nous parlez tel un maître d'école à nous donner des leçons de morale à exactement 21h. On veut bien l'entendre. Moi, pour le coup, je ne suis pas calme, je suis énervée parce que quand j'entends des choses comme ça, moi, en tant que bagnoletaise de souche, pour le coup, donc voilà, le quartier, je le connais bien aussi, donc je ne me serais jamais permise de m'associer avec des gens racistes. Parce que tout le monde sait un petit peu, tout le monde nous connaît. Donc déjà, c'est moi aussi, quelque part, vous nous insultez. Et voilà, vous avez bien, bien laissé insinuer que nous étions des gens racistes. Et vous l'avez refait tout à l'heure en lançant quelques de ci par là, colonialisme. Voilà, vous les lancez, c'est trop facile. Donc moi, je vais revenir là-dessus. Donc vous l'aviez dit, peu importe. Mais moi... Bah, je rejoins, parce que c'était mon intervention, vu que vous avez l'air, vous parlez de franchise, allez, on y va. Mais alors vous, qu'en est-il de votre plainte? Qu'en est-il, si vous voulez qu'on vote aussi pour vous la protection fonctionnelle? Qu'en est-il? C'est bien gentil de nous donner, à un moment donné, des leçons de morale, de nous regarder droit dans les yeux et de nous mentir, parce que à moi aussi, vous en avez dit des choses, d'accord? Donc, à un moment, ça va. On n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Le procès, il va avoir lieu. Laissons la justice faire son travail, mais s'il vous plaît, nous ne sommes pas des enfants. Arrêtez ça. Merci, Madame Le Bourris. Dernière intervention, Émilie Trigot. Oui, merci. Alors, au départ, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais puisque manifestement, tout le monde le fait, je vais me faire ce petit plaisir. Première réflexion, il me semblait que l'opposition se targuait d'être exigeante. Donc, effectivement, il y a maintenant clown, élu menteur, guignol. C'est vrai que ça relève bien, bien le niveau des élus. Et je pense que vous avez raison, Madame Garrido, les bagnoletais, les fameux 60 qui nous regardent et qui s'interrogent d'ailleurs, qui commentent, qui s'interrogent de savoir si on lit les commentaires. Donc, effectivement, je vous conseille d'aller les lire. Ils ont un avis pas exactement le même que vous sur qui se ridiculise en ce moment dans cette enceinte. Donc quand vous aurez terminé, je vous propose de les lire à tête reposée et de vous réinterroger sur la manière d'interpeller les élus de la majorité. Et pour aller plus sur le fond, maintenant, moi, personnellement, mon sentiment, c'était qu'on aurait dû déposer 31 plaintes parce que je me suis sentie autant blessée que monsieur le maire à la suite de ce conseil municipal. Donc finalement, il n'y en a qu'une. Ça mérite une protection fonctionnelle qui sera votée par 31 voix. Ça évitera qu'il y ait 31 plaintes. Et enfin, monsieur Jamais, vous proposez qu'on vote une deuxième protection fonctionnelle. Donc je suppose que finalement, ce qui valait au début du conseil municipal, qui était qu'on ne peut certainement pas voter quelque chose qui n'est pas arrivé 5 jours francs chez nous avant le conseil municipal, là, ça n'a plus lieu. On peut changer, finalement. Merci. Donc, je vais répondre à M. Jamais, comme je m'y suis engagé tout à l'heure. Donc, je pense qu'Émilie Trigot a répondu en partie à votre question. Il va sans dire que ça ne pourrait pas intervenir ce soir, en tout état de cause, même si Mme Laurence, comme tout élu de la majorité comme de l'opposition, a la liberté de saisir formellement le maire d'une demande de protection fonctionnelle si elle le souhaite. Je me permets néanmoins de vous relire les termes de l'article L21-23-35 du Code général des collectivités territoriales. Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le Code pénal. Donc la protection fonctionnelle, elle est réservée à certaines catégories, certaines circonstances. Il y a en parallèle l'obligation faite par la loi, la nouvelle loi d'ailleurs sur engagement et citoyenneté, que les villes aient une assurance qui permette la couverture de l'ensemble des élus, c'est le cas de la ville de Bagnolet, donc on a aussi cette option-là, mais je souhaitais apporter cet élément de précision qui fait que, dans tout état de cause, ce soir, nous ne pouvons pas aller dans le sens d'une protection fonctionnelle pour Mme Laurence. Voici les éléments de fond. Donc on va passer aux voix sur cette demande de protection fonctionnelle. Donc, qui est favorable à accorder la protection fonctionnelle à M. Tony Di Martino ? Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. J'invite M. le maire à nous rejoindre. Pas d'observation, je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 10, convention d'objectifs et de moyens 2020-2022 entre l'ARS et la commune de Bagnolet au titre du fonds d'intervention régional. Grégoire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, avec l'importance donnée aux masques, aux tests, la crise sanitaire actuelle a mis en avant l'importance de la prévention afin de réduire l'impact des pathologies. Dans un système de santé principalement porté sur les soins curatifs, cette importance donnée à la prévention doit être réaffirmée pour revoir l'ensemble de la stratégie de prise en charge des soins. Mais pour que la prévention n'aggrave pas les inégalités et qu'elle soit efficace, il est nécessaire de mener des actions qui s'adressent à tous et de mettre en place des dispositifs permettant à l'ensemble des populations ciblées d'être touchées. Avec cette convention, la ville de Bagnolet s'engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre un programme de prévention à destination d'un public large. Certaines actions touchent l'ensemble des populations concernées avec des interventions qui ne nécessitent pas une démarche particulière pour y avoir droit. D'autres, et notamment celles consacrées à la santé des bagnoletaises, donneront lieu à des opérations plus spécifiques afin de créer des liens nouveaux avec les populations éloignées du système de santé. Cette convention permet d'obtenir un financement de l'Agence régionale de santé à hauteur de 42 300 euros. Les trois actions du programme proposé sont promouvoir une alimentation équilibrée afin d'améliorer l'état de santé de la population bagnoletaise. Cette action, adressée à plus de 1000 élèves de petites sections de maternelle, de CE1 et de CM1, permet de mesurer l'IMC de ces élèves, mais également d'enclencher les actions individuelles auprès des familles dont l'enfant est détecté en surpoids. La situation est préoccupante à Bagnolet avec 20% des enfants dépistés dans le cadre de ce programme qui présente un surpoids. Les enfants entre 3 et 8 ans, ainsi dépistés, et leurs familles peuvent bénéficier du programme Retrouve ton cap. Le CMS a été labellisé pour la mise en place de ce programme car il dispose de toutes les ressources nécessaires, médecins pédiatres, diététiciennes, psychologues des troubles et des conduites alimentaires. Deuxième action, promouvoir les comportements favorables à la santé en matière de sexualité et notamment la prévention de l'infection liée au VIH et des infections sexuellement transmissibles. Depuis plus de 15 ans, la fréquence de visionnage de la pornographie a considérablement augmenté chez les plus jeunes, avec tout ce que cela véhicule de stéréotypes, notamment de genre. 55% des adolescents interrogés dans le cadre d'une étude en 2016 ont reconnu que leur premier visionnage de ce type de vidéo était sans doute arrivé trop tôt. Dans le cadre de cette action, des ateliers sont proposés sur les questions de sexualité, mais également sur les différentes IST et sur l'infection du VIH, à destination des établissements scolaires, Collège Pulitzer, Travail Langevin, lycée ENAF notamment. Troisième action pour promouvoir la santé globale des bagnoletaises. Les femmes de Seine-Saint-Denis ont un niveau de mortalité prématurée supérieur de 10% à la moyenne nationale. À la veille du début des actions dans le cadre d'Octobre Rose, le cancer du sein est un exemple qui permet de comprendre cette surmortalité. Chaque année, 60 000 femmes découvrent qu'elles souffrent d'un cancer du sein et plus de 12 000 femmes meurent chaque année de cette maladie. Pourtant, détectées rapidement, les chances de guérison sont très élevées. À Bagnolet, le taux de participation au dépistage organisé est très inférieur à la moyenne nationale, 39% contre 52% en France. Face à ces constats, la municipalité, tout d'abord, s'engage en octobre et se mobilise à travers des actions ciblées, notamment sur les populations les plus éloignées du système de soins, en mettant en place des échanges également intergénérationnels et en mettant en place des actions de communication, notamment à travers la distribution de masques roses, à travers également, et je vous invite à le porter le plus fréquemment possible, le ruban rose qui vous a été distribué à tous. Et face à ces constats, la municipalité de Bagnolet souhaite promouvoir également la santé des femmes à travers des actions qui viseront à créer un groupe de femmes issues des différents quartiers de la ville, et notamment le plateau, les Manassis, la Noue et la Capsulerie, créer un collectif relais d'information auprès de leurs pairs, et enfin la mise en place d'un théâtre forum. Toutes ces actions devront permettre d'identifier les difficultés d'accès à la prévention, au dépistage et aux soins, faciliter l'accès à l'information, à la prévention et aux soins des bagnoletaises et favoriser les dépistages, rompre ou réduire l'isolement des femmes. En s'adressant à l'ensemble des bagnoletaises et des bagnoletais, tout en ciblant également certaines populations éloignées du système de santé, ce programme d'action permettra de lutter contre les inégalités de santé qui restent trop importantes dans notre ville. Nous vous invitons donc à voter en faveur de cette délibération. Merci. Des remarques ? Laurent Jamais. Qui prend acte de l'engagement de l'Agence régionale de santé de verser à notre ville pendant 3 années une subvention annuelle de 42 300 euros. C'est une bonne chose et nous nous en félicitons car il s'agit en fait de la reconnaissance du travail réalisé par le service santé, par notre centre de santé, dont je tiens à remercier l'ensemble du personnel qui a apporté la preuve dans les moments difficiles que nous venons de vivre de son entier dévouement à la population de Bagnolet. Alors avant de venir effectivement sur la question de l'ARS, moi je pense que ça serait intéressant, non pas au conseil municipal bien entendu, mais aux commissions, en direction des différents élus, de pouvoir bénéficier d'informations sur les actions, les programmes qui ont été retenus, notamment sur la question de l'équilibre nutritionnel auprès de la population générale, sur les questions des comportements favorables à la santé en matière de sexualité, prévention de l'infection liée au VIH, libérée à la parole des élèves du secondaire, et l'accès à la prévention et la santé globale des bagnoletais. Voilà. Je reviendrai d'ailleurs dans la fin du conseil sur la question du vœu sur l'hôpital, mais je crois qu'on est sur des questions qui sont tout à fait essentielles. Et c'est en cela que je voulais dire un mot quand même sur la question de l'ARS. Parce que tous les louanges que l'on peut adresser au centre municipal de santé, à l'action de nos agents, on ne peut pas en faire autant avec l'action de l'ARS. Organisme qui a été mis en place il y a plusieurs décennies et dont l'objectif, et qui est assumé, c'est de réduire les dépenses de santé dans le budget de l'État. Donc c'est bien l'ARS qui, pour des raisons comptables et non médicales, a décidé, par exemple, le regroupement des hôpitaux de Montreuil, Montfermeil et Aulnay, dans ce qu'on appelle les GHT, groupements hospitaliers de territoire. C'est bien l'ARS qui a décidé, toujours pour des raisons comptables, la suppression de lits, la fermeture d'hôpitaux de proximité. reviendra tout à l'heure, je serai assez long d'ailleurs là-dessus, mais pendant des mois, les soignants, les chefs de service, les aides-soignantes, tous ont clamé leur colère partout en France, réclamant la fin de politiques de flux tendus, de la gestion comptable. Et pour ces raisons, ils ont subi la répression, la matraque, et la suite, nous la connaissons évidemment avec ces derniers mois. On se souvient aussi de la déclaration fracassante du chef de l'État qui disait « Quoi qu'il nous en coûte, demain ne sera pas comme hier ». En fin de séance, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous proposerons un vœu sur la question de l'hôpital et qu'on vous invitera évidemment à voter également. Merci à vous. Merci. D'autres remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération suivante. Désignation des membres de la commission Bourse des locaux. Jonji, elle est sortie. Donc il s'agit de désigner les représentants de la ville au sein de cette Bourse des locaux qui est chargée d'examiner les demandes associatives ou de locaux commerciaux pour des locaux qui appartiennent à la ville ou à l'OPH. Donc la commission est composée de 9 représentants et nous proposons donc qu'il y en ait 7 pour la majorité et 2 pour l'opposition. Est-ce que vous avez des remarques, des observations ? Madame Laurence. Merci de me donner la parole. J'aimerais tout d'abord saluer la création dans le mandat précédent de cette bourse des locaux. Non seulement pour la transparence que ça apporte au Bagnoletais, mais aussi pour le fait que dans une ville aussi endettée que la nôtre, sans vraiment marge de manœuvre pour orienter en conséquence l'avenir et le devenir de la ville, c'est exactement ce genre de dispositif et d'outils qu'il faut développer à Bagnolet. On sait qu'aujourd'hui, seul l'OPH participe à cette bourse des locaux. Et on attend donc de la ville et de la majorité de peser de tout son poids sur l'ensemble des bailleurs pour qu'ils intègrent le dispositif. Mais pour que cet outil soit pleinement efficace, il est absolument nécessaire de définir la stratégie qui va orienter l'offre de services des Bagnoletais pour tout simplement répondre à leurs besoins. Mettre effectivement offrir des rez-de-chaussée, soit, voter sur des rez-de-chaussée, soit, mais si on n'oriente pas les choses, si on ne donne pas des priorités à ce dispositif, il est vain. C'est des coups d'épée dans l'eau. Je prends l'exemple, par exemple, de la santé. On sait qu'on est en train de devenir un désert médical. On sait qu'on est passé, depuis 2014, de 22 médecins à moins de 10 médecins. Est-ce que ça ne pourrait pas être, par exemple, une priorité sur l'ensemble des rez-de-chaussée sur lesquels on doit donner une orientation, qu'on priorise sur la question de la santé ? Car depuis le début de la bourse des locaux, on avance sans boussole. Et c'est particulièrement incohérent, je le redis, pour une ville aussi endettée et où les marges de manœuvre se trouvent dans la méthodologie et dans ce type d'outils. Quelques éléments de réponse, effectivement. On peut regretter que les bailleurs ne souhaitent pas, tous les bailleurs ne souhaitent pas participer à cette bourse des locaux. Et avec Cédric Pape, on a eu l'occasion de regretter très souvent au cours du précédent mandat que l'OPH de Montreuil, qui est propriétaire de 2 locaux à l'entrée de la rue Sadi-Carnot, ne souhaite pas mettre ses locaux dans le cadre de la bourse et que ce qui a eu pour conséquence que des locaux commerciaux au début de la rue Sadi-Carnot, très stratégiques, puissent échapper à la maîtrise des élus locaux, si vous pouvez me le permettre. Sur les questions de santé, c'est effectivement un sujet important. Et c'est la raison pour laquelle on travaille depuis plus d'un an. On a eu l'occasion de travailler avec Cédric Pape et Claude Vorer au cours du précédent mandat à l'installation d'un groupe pluridisciplinaire de médecins, de généralistes, de spécialistes qui se sont regroupés et qui travaillent à une implantation dans un local en pied d'immeuble, dans un des immeubles de la rue François Mitterrand. Donc, ce projet avance, il est long, des subventions ont été obtenues par ces médecins auprès de l'ARS, auprès de la région. Le travail se poursuit, on espère pouvoir inaugurer ce local D'ici quelques mois, une déclaration préalable de travaux a été signée il y a quelques jours. Donc ce projet avance. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des observations? On donne les noms, Olivier? Grégoire. Oui, juste sur la santé, et puis pour rappeler que les services sont pleinement mobilisés, et également, je le suis auprès de tous les professionnels de santé qui font des demandes, et donc on les accompagne dans ces demandes à la Bourse des locaux. Il y a par exemple une demande d'un chirurgien dentiste actuellement, une demande également d'un autre cabinet médical qui souhaite déménager, donc on les accompagne et on est proche justement sur ces sujets-là d'eux pour justement, comme vous le dites, essayer de multiplier les installations, préserver déjà les personnes, les médecins qui sont sur le territoire, les conserver et également essayer d'attirer de nouveaux professionnels de santé. D'autres remarques? Je propose de passer aux voix. D'abord, on donne les noms pour la majorité. Olivier. Donc, pour la majorité, il s'agit de Junji Biro, Mariam Diop, Yasmina Sadoud, Shoki Haddad, Hissène Ounissi, Merlan George et Karamoko Sissoko. Allez-y. Laurent Jamais et Claire Laurence. Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, mise en œuvre de la stratégie d'optimisation foncière. Délibération actant la cession du bien communal situé au 71 rue Sadi Carnot au profit de Mme Zoé Barboff-Mera. Cédric Pape. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, cette délibération vise à céder à Mme Zoé Barboff-Mera le bien communal situé au 71 rue Sadi Carnot au prix de 260 000 euros hors taxe dans le cadre de la stratégie foncière entamée par la municipalité en 2016. Je rappelle que cette vente suit une procédure stricte et transparente, votée aussi en mars 2017. Cette vente est ouverte à tous, elle est publiée, elle est évaluée par le pôle d'évaluation domaniale, elle est régie par un cahier des charges, des diagnostics techniques et une temporalité. Cette vente est mise en concurrence et un candidat est retenu lors de la commission où siègent aussi bien les élus de la majorité que de l'opposition. Pour finir, cette délibération retrace notamment pour les nouveaux élus l'ensemble des ventes qui ont été actées depuis 2017 dans le cadre de cette stratégie foncière. Merci Cédric. Des remarques? Pas de remarques? Je propose de passer. Madame Garrido. La délibération qui est soumise à notre vote concerne exclusivement le choix entre les deux personnes qui ont fait des offres pécuniaires. Et bien qu'on prenne acte du fait que ce qui a présidé au choix, c'est une notion de mieux-disant, tout simplement économique, hein, puisque vous choisissez ceux qui payent 260 000 plutôt que 230 000 de mémoire. Cela étant, comme vous venez de le rappeler, il y a dans le rapport adjoint à cette délibération le rappel de toute finalement la stratégie de cession et de mise en vente des biens de la commune sur lesquels non seulement on n'est pas saisi ce soir, mais on n'était pas saisi en tant que conseil municipal dans le précédent conseil municipal. Et vous noterez comme moi que, en plus, il est profondément remanié ce conseil municipal. J'en profite juste pour dire que nous, on n'est pas partant, on n'est pas très très convaincus de l'opportunité de céder comme ça toutes ces parcelles et ces biens qui sont mentionnés dans le rapport. Typiquement, par exemple, si on prend le 71 rue Sadi Carnot, qui n'est pas un rez-de-chaussée, mais qui est un duplex en deuxième et troisième étage. Néanmoins, il est localisé à un endroit tellement commercial, tellement ce que les architectes appelleraient le genus loci, c'est-à-dire c'est un lieu, cet angle, Sadi Carnot, Lénine, Marianne Colombier, au place de l'église, a toujours tellement été dévolu au commerce que c'est un endroit, M. le maire en plus vient de lui-même déplorer le fait que deux emplacements dans cette rue-là aient échappé à une stratégie municipale. Typiquement, c'est le genre d'endroit où on aurait pu réfléchir à mettre, par exemple, un médecin, une infirmière, des kinés, etc. Donc, le fait de vouloir courir, on va dire, après les bénéfices rapides procurés par des mises en vente, faut quand même avoir conscience du fait que ça nous empêche, pour toujours, en plus, pour toujours, parce qu'une fois qu'on aliène du bien, on ne va pas le racheter 10 ans après ou 20 ans après. C'est pour toujours qu'on n'a plus cet outil de gestion publique. Et nous, on en profite ce soir pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, que du coup, les biens là, qui ont été mis en publicité en décembre 2019 et qui ne sont pas encore vendus, Impasse du Ruisseau, Rue Daumier, ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas trouvé d'acquéreur, Avenue Henriette, 15 rue Paul Vaillant-Couturier, et peut-être d'autres que vous auriez à l'esprit, tout ça, il nous semble que ça devrait être soumis à nouveau, sur le principe même, à la discussion de notre conseil municipal, indépendamment de ce sujet très très strict et circonscrit qui concerne la délibre de ce soir, qui est le choix entre les deux offres d'achat. Quelques éléments de précision. D'abord, la procédure est strictement la même aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, c'est-à-dire passage en commission, passage en conseil municipal. Et si le conseil municipal a pu examiner en 2017 un rapport cadre sur la stratégie d'optimisation foncière avec le recours à un prestataire qui s'appelle Grand Paris Aménagement, le conseil municipal est amené chaque fois à délibérer sur la vente du bien, et la commission urbanisme qui précède le conseil municipal est amenée à proposer un choix au conseil municipal. Voilà. Donc, j'ai pas dit le contraire, monsieur le maire. C'était le cas hier. Vous êtes hors sujet, hein, pardon. Non, je pense pas que ce soit hors sujet, puisque vous avez expliqué que cette procédure était une nouveauté par rapport au précédent mandat. Non, j'ai dit que c'est non. Le principe même de l'aliénation de ces biens qui n'étaient pas soumis à la discussion, à la délibération Madame du Conseil. Vous venez de vous dire vous-même que c'est Madame une décision de 2017. Madame Garrido, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler. Mais faites attention quand même, restez sur le sujet. Madame quoi. Garrido, vous savez, il y a un avantage avec ces conseils municipaux, c'est qu'ils sont enregistrés. Donc, vous pouvez inlassablement reparcourir, réécouter vos interventions. Et je vous assure que certains le font à Bagnolet. Voilà. Donc, la procédure qui a lieu ce soir est strictement la même qui avait lieu au cours du précédent mandat, puisque vous avez expliqué qu'il s'agissait d'une nouveauté ce soir. Non, ce n'est pas une nouveauté. On a fait la même chose. Mais si, c'est ce que vous avez dit. Vous avez parlé de nouveauté. Donc, au précédent mandat, on a délibéré, on a présenté un rapport cadre avec un certain nombre de biens, puisque vous nous invitez également à être des bons gestionnaires. Donc, on vend des biens, on vend des appartements, on vend des terrains, et on fait en sorte qu'on ne les vende pas à des promoteurs immobiliers pour éviter la densification. On fait en sorte de ne pas passer par les agences immobilières de la ville qui nous ont souvent très sollicités pour être les intermédiaires. Donc, on porte ça directement avec Grand Paris Aménagement, vous voyez, donc c'est quelque chose de très transparent. Si on vendait, par exemple, lorsqu'on a vendu les terrains rue du Pinac, si on avait vendu à un promoteur, croyez-moi, on aurait encaissé beaucoup plus d'argent que ce que l'on a encaissé. Mais on a fait un choix et on va continuer dans cette voie. Olivier, je voulais dire un mot. Très rapidement, c'est le même débat que tout à l'heure sur la crèche. À un moment donné, on a un volume d'investissement extrêmement lourd à réaliser. Si on ne veut pas être amené à devoir faire des coupes sombres dans le service public actuel ou à augmenter les impôts, il n'y a qu'une seule option, c'est de diversifier les recettes. Et à un moment donné, lorsqu'on a des actifs qui ne peuvent pas vraiment être mobilisés pour du service public, quand vous avez un terrain, vous pouvez dire c'est une réserve foncière pour construire demain une crèche, une école, un stade, etc. Quand c'est un appartement d'une copropriété, l'intérêt public est quand même très limité. Vous pouvez loger des gens, des fonctionnaires qui doivent être présents le soir. Vous pouvez mettre ça à disposition. Vous avez évoqué un médecin, mais le maire a rappelé tout à l'heure, et Grégoire de la Gannerie également, tout ce qui est en cours pour accueillir des médecins supplémentaires sur le territoire. Là, on a l'option, effectivement, d'optimiser nos recettes. On le fait. On a effectivement donné au plus offrant, puisque sur un appartement comme ça, toutes les offres se valent. C'est le mieux disant qui est le plus intéressant. Donc on le fait. Donc, à un moment donné, on diversifie nos recettes. C'est ce qui garantit une gestion sérieuse de la ville et qui permettra d'ailleurs de financer nos investissements. On voit qui est pour, Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Appel à projet inventons la métropole du Grand Paris numéro 2. Délibération approuvant la cession de la parcelle communale Z836 à la société Omnium de construction, développement, location, groupe Giboire. Cédric. Oui, donc cette délibération vise à déclasser et à céder la parcelle Z386 qui sert de trémie à l'heure actuelle, si vous regardez les plans, trémie de parking pour le bâtiment. Il s'agit donc d'une parcelle de 19 mètres carrés qui doit être cédée à la société Omnium Groupe Grégoire. Dans le cadre du projet Plan Large, retenu lors du concours Inventons la métropole du Grand Paris 2. Cette opération s'inscrit évidemment dans la vision économique, de développement économique que nous avons du pôle Gallieni. Cette opération est portée par l'EPFIF, pour rappel. Et enfin, quelques mots sur le projet Plan Large retenu lors du concours de la MGP, qui consiste donc en la réhabilitation, l'extension du bâtiment appelé ex-Veolia, avec 4630 m² de bureaux pour une économie tournée vers la culture et le digital, 360 m² de commerce et 800 m² d'activités liées à des acteurs locaux. Et cerise sur le gâteau, le nouveau site est aussi très végétalisé. Il sera ouvert, cette partie-là, notamment les toits végétalisés, à l'ensemble des utilisateurs du bâtiment. Des observations ? Madame Laurence. Comment prendre la parole sur ce sujet ? Alors, on vote sur la vente de 19 mètres carrés sur la voie publique. Alors qu'effectivement, derrière, il s'agit d'un projet de plusieurs milliers de mètres carrés, près de 5000, je crois, et qu'il s'agit surtout d'un site éminemment stratégique pour Bagnolet. Le pôle Gallieni n'est autre que l'entrée de la ville avec l'arrivée du métro, et c'est pour ça qu'il est si stratégique, mais c'est aussi un des sites les plus complexes en première couronne parisienne, composé non pas d'espaces publics, mais d'espaces résiduels, meurtri par les infrastructures autoroutières, notamment de l'A3. Et c'est un site totalement congestionné, dans lequel on ne se repère pas, qui manque totalement de fluidité. C'est un site qui aurait mérité, en fait, de répondre à des objectifs urbains définis par une étude urbaine. Alors, je sais qu'il y a une étude en cours, une étude urbaine sur le pôle Gallieni. Mais pour bien faire, on commence par faire l'étude. On définit des objectifs et chacune des opérations immobilières répond à ces objectifs. Or là, c'est comme la CERAP, on grille les cartouches, on n'a plus de marge de manœuvre et on fait l'étude urbaine après, qui ne va pas aller bien loin puisqu'on n'aura plus les marges de manœuvre dont on disposait initialement. C'est d'autant plus tragique qu'effectivement, quand on signe un permis de construire, on construit pour des siècles, en fait. Là, je pense que c'est un peu tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans se poser la question de à quoi ça sert, où on va. Pour la CERAP, il était clairement énoncé dans les orientations particulières d'aménagement qu'il y avait un lien à faire entre le pôle Gallieni et les Guilans. Évidemment, ce projet qui est extrêmement dense, n'y répond pas. Pour par exemple, ce site de plan large, ça pouvait éventuellement être pris dans une étude beaucoup plus large, regroupant la question des tours mercuriales et regroupant également le devenir de la gare routière. Mais vu qu'on fonctionne par le petit bout de la lorgnette, ce site Gallieni, j'ai bien peur qu'on n'arrive jamais à en faire quoi que ce soit, peut-être effectivement changer le design urbain, les trottoirs, mettre quelques œuvres d'art à droite à gauche, mais on ne va pas résoudre les questions de fond qui sont d'une complexité incroyable, parce que depuis le début de votre mandature, de la précédente mandature et de celle-ci, manifestement, vous continuez à griller toutes les cartouches dont Bagnolet dispose et à ne pas ouvrir l'horizon, en fait, mais plutôt à le fermer. Quelques éléments de réponse, Madame Laurence. D'abord, on ne grille pas des cartouches. En l'occurrence, on se les procure. Parce qu'il n'a sans doute pas échappé à votre esprit très ouvert sur ces questions-là, qu'il s'agit d'un bâtiment privé qui a longtemps été squatté. Et je me permets de vous rappeler que, sans revenir sur le passé, c'est qu'en 2014, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités avec la précédente équipe municipale, il était squatté depuis 18 mois. Non, madame. Paul Gallieni, je vous parle de Paul Gallieni, les trucs étriqués, d'accord, resserrés sur les 19 mètres carrés de la parcelle, trucs chouettes, machin, bidule. Je vous parle de l'avenir du pôle de Gallieni, le raccord avec la ville de Paris, le rapport avec la ville de Montreuil, le lien avec la rue Sadi Carnot, le lien entre le haut et le bas de la dalle côté Gambetta et Guilan de l'autre côté, d'accord, une vision urbaine. Dans toutes les villes, ça se passe comme ça. Pourtant, il s'agit bien de parcelles privées. Est-ce que je peux finir ma phrase sans que vous m'interrompiez ? Je mérite d'être interrompu. Vous décernez les bons points. Décidément, c'est une habitude avec vous, Madame Laurence. C'est vraiment, c'est assez hallucinant. Mais vous êtes une victime. Donc, je vous explique juste deux choses. Il s'agit d'un bâtiment privé qui a été préempté par les PIF à la demande de la ville. Mais oui, nous sommes étriqués, vous êtes grande. Nous sommes étriqués, vous êtes grande. Donc, il s'agit d'un bâtiment privé, préempté à l'époque par les PIF, qui porte une stratégie foncière de développement en lien avec la ville, pour le compte de la ville. Donc, on aurait pu laisser le secteur privé s'emparer de ce bâtiment. Vous vous doutez bien que les projets privés concernant cette parcelle ne manquaient pas. Donc c'est bien l'inverse de ce que vous dites. C'est justement parce qu'on a essayé d'avoir un petit peu de vision qu'on a demandé à l'EPFIF de préempter. Et comme on sait qu'à cet endroit-là, on a aussi décidé, par la force des choses, parce qu'il y a la gare routière, parce qu'il y a l'autoroute, parce qu'il y a le périph, on va y mettre de l'activité économique. On ne va pas y mettre des logements. Donc on y met de l'activité... Je n'ai pas terminé, madame, je ne vous interromps pas, donc vous ne m'interrompez pas. Merci. Donc... nous allons y mettre de l'activité économique. C'est logique. Ce qui ne préempte pas les réflexions qui sont en cours, et les études se poursuivent et vont se lancer, puisqu'on va rentrer dans une phase de définition opérationnelle avec Est Ensemble, avec la ville de Paris, et que nous aurons l'occasion d'avoir une réunion d'ici une quinzaine de jours sur le sujet, pour définir ce qu'est la stratégie autour du pôle Gallieni et autour de l'échangeur. Bien entendu, mais en tout état de cause, sur ce bâtiment qui sera réhabilité. Vous nous avez expliqué pendant de longues minutes lors d'un précédent conseil municipal que vous connaissiez comment travailler avec la métropole du Grand Paris, etc., etc., etc. Donc nous travaillons avec la métropole du Grand Paris. Donc ce site a été lauréat après un premier site qui est l'ancien marché à la ferraille, au bout de l'avenue Gallieni. Il a été lauréat et on va y développer un beau projet en lien avec des associations de la ville. Et croyez-moi que l'objectif, c'est qu'effectivement, de manière intelligente, le pôle Gallieni puisse évoluer dans les 10 années qui viennent. Parce qu'on ne pourra pas le faire évoluer tout seul. Voilà. Donc, je pense qu'à chaque fois, vous mélangez les choses. C'est-à-dire, vous nous accusez de ne pas avoir de vision alors qu'on fait en sorte d'avoir une maîtrise sur un projet. Vous nous expliquez qu'on voit les choses par le petit bout de la lorgnette alors que vous n'avez aucune idée du travail que nous menons sur ces secteurs. Aucune idée, puisque vous n'avez participé à aucune réunion, puisque vous n'êtes venu à aucune réunion de groupe de travail, puisque vous ne vous êtes proposé nulle part. Vous savez, il y avait un groupe de travail, par exemple, sur le pôle Gallieni, il y avait des représentants des conseils de quartier qui venaient, des gens de la majorité, des gens de l'opposition, mais vous n'y êtes jamais venu. Donc le problème, c'est que vous portez des jugements sur ce que l'on peut faire, mais en fait, vous n'en avez aucune idée. Donc vous n'êtes pas venu, vos collègues écologistes du BIC d'alors, messieurs, les collègues qui ne sont pas là ce soir n'y étaient pas non plus. Et donc, comment pouvez-vous avoir une vision de ce qui s'y est fait ou de ce qui est, mais il n'y a pas que les réunions publiques pour se renseigner sur ce qui se fait dans la ville, monsieur. Vous êtes toujours à côté. Là, c'est des réunions où on travaille, où on réfléchit avec les acteurs économiques, avec Bellest, avec Orange, avec les Mercuriales. Voilà. Donc, intéressez-vous au sujet, Madame Laurence. Après, vous viendrez nous donner des leçons sur ce qui doit être fait ou pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur le sujet ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Donc nous avons à présent des vœux qui ont été présentés par la majorité et par l'opposition. Je donne la parole à Daouda Keïta concernant un vœu de la majorité municipale pour le Liban et ses réfugiés. Daouda. Merci, Monsieur le maire. Vœu de la majorité municipale pour le Liban et ses réfugiés. L'explosion du stock de nitrate d'ammonium le 4 août dernier a dévasté la ville de Beyrouth en passant par des quartiers du port, faisant au moins 190 morts et 6500 blessés. Confronté à des dégâts matériels apocalyptiques, près de 300 000 Libanais se sont retrouvés sans domicile. Alors que le Liban est confronté à une crise politique et économique de grande ampleur, les conséquences de cette catastrophe ont pris des proportions accrues. Le Liban a néanmoins pu compter sur une forte mobilisation de la communauté internationale, juste retour des choses pour un peuple humaniste qui accueille le plus de réfugiés au monde en proportion de sa population. 1 500 000 pour une population de 4 100 000 de Libanais. Naturellement, ces populations sont d'autant plus vulnérables que leur pays d'accueil a un genou à terre. Parmi elles figure celle du camp de Shatila, à Beyrouth. Ce camp de réfugiés est jumelé avec notre ville, Bagnolet, depuis septembre 2002, à l'occasion du 20e anniversaire des massacres de Sabra et de Shatila. Ce jumelage continue depuis de souder les liens d'amitié, d'humanité et de solidarité entre les populations de Bagnolet et ceux du camp de réfugiés palestiniens de Shatila. Tout au long de la mandature précédente, la délégation à la coopération internationale de la ville a entretenu cette relation amicale avec des échanges culturels et des visites des camps palestiniens en compagnie d'autres villes sous l'égide de l'AJPF, association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises. La ville de Bagnolet a soutenu les communautés humaines de nombreux pays victimes de catastrophes naturelles ou humaines par des déclarations de soutien et de soutien financier malgré les moyens limités de la commune, comme à Haïti, suite à la catastrophe naturelle dont elle a été victime en 2016, causée par l'ouragan Matthew. Ainsi, le conseil municipal du Bagnolet adresse son soutien au peuple libanais, aux populations réfugiées et à toutes les victimes de la catastrophe survenue le 4 août 2020 à Beyrouth. Soutient et encourage les initiatives de ses partenaires que sont l'AJPF et Cités Unies France qui collectent des fonds pour accompagner les victimes et l'effort de reconstruction. Exhorte le gouvernement à soutenir toutes les populations victimes de cette catastrophe, ainsi qu'à soutenir toutes les démarches d'assistance portées par les collectivités locales. Merci. Oui, on va le voter, le vœu. on va le voter. Ceci dit... Non, mais attendez, on y vient. Donc, on va voter le vœu. Formidable. Non, je trouve qu'effectivement, c'est important de témoigner au peuple libanais notre soutien. Évidemment, à nos amis du camp de Shatila, évidemment, notre amitié à cette occasion. C'est très important, simplement. À l'occasion de ces vœux, généralement, on votait, évidemment, une petite somme d'argent. Je peux comprendre que dans la situation actuelle, on ne le fasse pas. Ce n'est pas le problème. Peut-être aurait-il fallu rappeler quelles étaient les ambitions durant ce mandat concernant le camp de Sabra et Shatila, enfin le camp de Shatila, puisqu'en l'occurrence Sabra n'existe plus. Et bon, je suis très content de voir qu'on cite la JPF et je salue mon amie Isabelle Torjman. Simplement, ça aurait été pas mal à cette occasion. Parce que là, on ne sait pas trop ce qu'on nous demande en vérité. Voilà, on va signifier notre solidarité, on va adresser notre soutien, encourager l'initiative de partenaires, mais voilà, mais on ne dit pas comment. Et puis, il y a une dernière chose, c'est qu'on exhorte le gouvernement, très bien, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais parmi quand même les fléaux qui ont frappé le Liban, il y a quand même eu la descente d'Emmanuel Macron, qui est quand même venu comme un néocolonialiste, venir donner des leçons au peuple libanais, qui, je pense, a suffisamment de problèmes à résoudre sur son sol, notamment lorsqu'on voit la situation politique, je dirais le système confessionnel qui mine le Liban, et je crois que ça aurait pu être aussi un ajout d'intérêt. Merci à vous. Concernant l'aide financière, Daouda Keïta aura l'occasion de proposer à la majorité d'abord et au conseil municipal ensuite, au cours d'un prochain conseil, une aide à une association à déterminer, à définir pour garantir la bonne arrivée des fonds. Voilà. Je propose de mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Vœu suivant, proposé par la majorité municipale sur la 5G, Jean-Claude Oliva. Valérie. Est-ce que vous m'entendez ? Ok. Donc, merci, monsieur le maire. Avant de lire le vœu sur la 5G, je souhaite vous dire quelques lignes. Chers collègues, chers amis, désolé, je n'ai pas pu m'empêcher cette référence aux mots du président de la République, mots que j'ai ressentis personnellement comme méprisants. La question se pose de savoir pourquoi le gouvernement veut imposer la 5G. Quand on en connaît les différents impacts environnementaux et quand on en ignore les impacts sanitaires, la logique aurait voulu qu'il y ait une évaluation environnementale et sanitaire préalable à la mise en œuvre du projet. Le gouvernement prend donc les choses à l'envers, déploie la 5G et ensuite, on verra. Une évaluation sanitaire est envisagée pour 2021 et il n'y a pas d'évaluation environnementale prévue. Encore une fois, la charrue est mise avant les bœufs. Mais la controverse sur ce type de grand projet est classique depuis 150 ans. Et je vais citer François Jarige, maître de conférence en histoire contemporaine, qui rappelle, deux points, ouvrez les guillemets, qu'on voit bien, à chaque fois que le gouvernement répond d'abord à des objectifs industriels et de profit à court terme, pour certains acteurs économiques, aux dépens d'enjeux qui sont beaucoup plus importants et massifs comme l'environnement, l'écologie, les enjeux sanitaires et le monde qu'on veut construire. Dans les années 1860, beaucoup d'acteurs s'interrogeaient sur la... 1860, je dis bien. Beaucoup d'acteurs s'interrogeaient sur la pertinence de développer les machines à vapeur et son industrie en raison des pollutions et des pénuries de ressources qui étaient annoncées. Et c'est dans ce contexte-là que des ingénieurs annonçaient que les progrès de la technique dans le domaine des machines à vapeur permettraient de résoudre les problèmes et qu'on aurait un système énergétique sans pollution. C'est dans ce contexte-là aussi qu'un économiste a forgé le concept d'effet rebond. L'idée que, certes, il y aurait une amélioration par unité de machine des rendements énergétiques, mais que, globalement, la consommation ne cesserait d'augmenter. Et M. Jarige poursuit. C'est toute l'histoire de la société industrielle des 150 dernières années. Des promesses hors sol d'amélioration, des rendements qui se payent d'un accroissement global des pollutions de l'extraction et contamination. Comme dans les années 60-70, où les constructeurs automobiles expliquaient qu'au début du XXIe siècle, les automobiles ne pollueraient plus grâce au progrès de la motorisation et des technologies. Je ferme là les guillemets. On voit bien où on en est aujourd'hui, sachant l'état actuel des ressources de la planète. Pouvons-nous, devons-nous nous contenter des promesses hors sol et futuristes et mettre les questionnements et inquiétudes légitimes des citoyens sous le tapis ? Je ne le crois pas. Je vais vous lire à présent le vœu de la majorité. Vœu des groupes socialistes, société civile et républicains, républicaines, Bagnolet en commun et écolo solidaire. Considérant que le gouvernement a identifié la 5G comme un enjeu stratégique pour la France dans sa feuille de route et décidé que les fréquences seraient attribuées aux opérateurs téléphoniques dès septembre 2020, cette décision intervenant sans étude d'impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable. Considérant que le gouvernement ouvre les enchères pour l'attribution des fréquences 5G aux opérateurs téléphoniques le 29 septembre 2020. Considérant que les premiers services commerciaux 5G devraient être lancés à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021. Considérant que les émissions d'ondes de la 5G s'additionnent à celles des technologies antérieures, 4G, 3G et 2G, ce qui aboutira à une hausse du niveau d'exposition de la population aux ondes, et qu'il faut s'interroger sur l'impact sanitaire de la multiplication d'objets hyperconnectés sur les populations humaines et sur la biodiversité. Considérant que plusieurs études démontrent que le déploiement de la 5G va augmenter significativement les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la consommation énergétique. Ce déploiement en France aboutira à un effet rebond par la hausse de la consommation de données et de l'usage des télécommunications, synonyme d'une très forte consommation d'énergie par la sollicitation des antennes et des serveurs. Considérant que le déploiement de la 5G va exponentiellement accélérer l'exploitation de ressources naturelles non renouvelables, la pollution due à l'extraction des métaux rares et la génération de quantités de déchets peu ou pas recyclables, à l'heure actuelle, un très faible nombre de téléphones mobiles en circulation et en vente sont compatibles avec la 5G. Le déploiement de ce réseau mobile va donc impliquer un renouvellement d'une large part du matériel, augmentant encore l'empreinte écologique et le poids des déchets. Et cela pour tenter de bénéficier d'une nouveauté technologique dont l'utilité reste à démontrer. Une étude d'impact environnemental préalable sur la 5G est donc nécessaire avant d'envisager son déploiement. Considérant que le lancement de la 5G ne s'intègre actuellement dans aucune stratégie globale de sobriété numérique, considérant dans ces conditions que le déploiement de la 5G semble incompatible avec les stipulations de l'accord de Paris, de la stratégie nationale bas carbone de la France et avec l'objectif de neutralité carbone en 2050 voulu par la ville de Bagnolet, considérant que les citoyens doivent pouvoir s'approprier les débats concernant le déploiement de technologies qui conditionnent ensuite fortement leur mode de consommation individuelle, considérant que l'attribution des licences 5G n'a donné lieu à aucun débat démocratique, que ce soit lors des élections présidentielles et législatives ou au Parlement, alors que la 5G pose des questions écologiques, énergétiques, sociales et sanitaires, considérant que la Convention citoyenne pour le climat s'est prononcée à 98% en faveur d'un moratoire sur le déploiement de la 5G, qui constitue l'une des 149 propositions, considérant que selon un sondage récent OpinionWay MyStarsCab, 65% des Français souhaitent un moratoire sur la 5G, considérant que l'attribution de fréquences aux opérateurs ne s'accompagne d'aucun dispositif permettant une réversibilité sur la base des usages constatés et de leurs conséquences sanitaires, énergétiques, sociales et environnementales, considérant que nous ne serons pas maîtres de cette technologie puisque les principaux constructeurs sont chinois, Huawei, ZTE et américains, notamment des composants de Qualcomm, Intel et Cisco pour installer les antennes de 5G, et que la 5G servira surtout à accélérer le trafic de données provenant principalement de services états-uniens, comme Facebook, Amazon, Google, YouTube, Netflix, entre autres. Considérant que le déploiement massif d'objets connectés allant de pair avec la 5G participe de l'accaparement des données personnelles et donne ainsi les clés d'un pouvoir de prévision et de contrôle social à des géants du numérique. Considérant que la technologie 4G n'est toujours pas totalement déployée, que les collectivités dépensent des sommes importantes pour équiper en fibre les espaces ruraux et des espaces mal desservis, l'arrivée de la 5G risque surtout d'aggraver les fractures numériques existantes. Nous nous interrogeons sur le rôle de la 5G et de l'Internet mobile dans la résorption de la fracture numérique. Nous souhaitons que les communes aient la capacité de choisir le mode d'accès à Internet et la maîtrise du développement des réseaux numériques. Le Conseil municipal de Bagnolet se prononce en faveur d'un moratoire sur le déploiement de la 5G au moins jusqu'à l'été 2021. Demande le lancement d'études sanitaires et environnementales sur les effets de la 5G. Prend l'initiative d'un débat démocratique décentralisé sur la 5G et les usages numériques. Demande le droit à la subsidiarité pour les communes concernant l'application du principe de précaution. Dans la mesure où il s'agit quasiment mot pour mot la même chose que le vœu que nous avons déposé nous-mêmes, vous voulez qu'on procède comment ? Vous voulez qu'on tombe d'accord sur un vœu unique ou qu'on vote successivement ? C'est quoi l'idée ? Allez vous répondre sur Facebook autant qu'ils vous répondent au conseil municipal. Ah non. Certes. Pas du tout. On a eu dans le passé avec M. Jamais l'occasion sur d'autres vœux de travailler à des rédactions convergentes lorsqu'elles étaient possibles. Donc on a la possibilité de le faire. Alors peut-être que Jean-Claude Oliva est plus à même que moi sur ces questions-là de procéder à ces convergences. Donc si c'est le cas, on peut faire une courte suspension de séance, c'est comme vous voulez. Mais Monsieur Jamais. Enfin, c'était une très bonne proposition de Raquel Garrido, mais peut-être qu'on peut adopter les deux vœux, parce que je ne pense pas que le nôtre, qui a été repris pratiquement intégralement, phrase après phrase, mot après mot, ça ne nous gêne pas. Hein. Moi, je suis prêt à inspirer tout le monde. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on vote les deux vœux. On ne va peut-être pas pousser le ridicule jusqu'à faire une commission pour essayer de fusionner les deux vœux. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Raquel. Mettez-vous d'accord hein. Oui. Non, mais écoutez, de toute façon, c'est de façon pour que les gens comprennent ce qui se passe. Les deux textes procèdent d'une tribune en fait qui est parue dans le JDD le 12 septembre à l'initiative des nouveaux maires de Marseille, Bordeaux, Lyon et de plusieurs parlementaires de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, député Corbière, Quatennens. Maire de Grenoble-Piolle, enfin François Ruffin, etc., Julien Bayou, bref. Donc, vous avez compris, il y a un accord sur ce texte qui a donné lieu à cette tribune publique. Alors, nous, du coup, on s'en est inspiré pour que ça soit soumis voilà, au vote majoritaire de notre Assemblée. On avait un peu réduit, parce que nous sommes que pour la population, avoir des vœux très, très, très, très longs, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pédagogique. Je vois que vous avez fait quelque chose d'un peu plus long. Bon, moi, en définitive, ce qui m'intéresse, c'est surtout que ce soit adopté, qu'en tant que ville, on soit tout à fait d'accord sur le fait qu'on se prononce en faveur du moratoire, parce que c'est ça qui est le principal sujet, et en même temps le plus compliqué, parce que la mise aux enchères a commencé hier. On en est aujourd'hui au deuxième jour de mise aux enchères. Il y a en gros 10 blocs. De 11 blocs pardon, de 10 millions de 10 MHz qui sont soumis aux enchères avec des prix qui commencent à 85 millions d'euros, vont à 90 millions d'euros aujourd'hui et qui continuent. Donc la bataille est rude, je veux dire, on s'en prend aux quatre plus gros opérateurs téléphoniques en France, c'est le cœur du capitalisme français. Bon, donc c'est comment dire. C'est bien de le faire, c'est très très bien de le faire, mais genre, la bataille, de toute façon, elle suffira pas de voter ce vœu. Il y a quelque chose de peut-être un peu plus concernant pour nous, c'est l'idée du débat démocratique décentralisé, parce que ça faisait partie des demandes proposées dans cette tribune, parce que, comme ça a été déjà dit, le Conseil citoyen pour le climat a inclus ce moratoire assorti d'une discussion décentralisée citoyenne dans les propositions. Et rappelez-vous, Emmanuel Macron avait dit qu'il était d'accord avec la plupart des propositions, des préconisations du Conseil, de la Convention, pardon. On avait exclu certaines, mais pas celles-ci. Ça constitue un engagement du président de la République de faire ce moratoire et d'organiser le débat. Alors nous, au niveau de la commune, on peut On peut le faire, ça. Nous, on peut le faire. Donc ça, ça fait partie des choses. Donc ça, c'est bien si on l'acte tous ensemble comme quelque chose de consensuel, qui est du coup... Enfin, moi, je serais plutôt de l'idée de mettre noir sur blanc que tous les groupes de l'opposition et de la majorité sont tombés d'accord sur ces vœux. Je regarde juste vite fait, rapidement, s'il y a quelque chose chez nous qui manquerait chez vous, mais non. On n'a qu'à prendre le plus long. Enfin, je veux dire, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Si vous préférez avoir le texte le plus long, de toute façon, on est d'accord, hein, nous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse cela, c'est qu'on adopte... En fait, on reformule l'intitulé de votre vœu et qu'on le propose, on dise que c'est un vœu des groupes... du coup, le nôtre, nous, on avait mis les noms des conseillers municipaux, mais bon, c'est le groupe Ensemble pour Bagnolet. Et les autres, donc, si vous êtes d'accord, okay. On peut procéder comme ça, parce que les membres de mon groupe sont d'accord. Et on va organiser un débat public, dans les conditions sanitaires adaptées, mais on va organiser un débat public sur le sujet dans les semaines qui viennent. Et du coup, puisque j'ai la parole, j'en profite juste pour une question d'ordre du jour. Il est censé avoir... On est censé avoir dans la... Sur table, les questions orales qui sont normalement traitées quand on les envoie 48 heures à l'avance, ce que nous avons fait. Et nos questions orales ne sont pas dans l'alias. Et donc, je voulais savoir comment vous comptiez procéder par rapport à ça après qu'on ait éclosé. On va voter, je vais vous répondre. Je propose de voter sur un vœu des différents groupes siégeant au conseil municipal. Donc, on reformulera dans le compte-rendu. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Sur les questions orales, il y a deux types de questions orales, comme c'est écrit dans le règlement intérieur. Il y a les décisions, les questions sur les décisions du maire. Et non, c'est pas ça qui est écrit dans le règlement intérieur. Si, je vous assure que c'est écrit, j'ai le règlement sous les yeux, là, hein. Je vous assure. Donc, les questions sur les décisions du maire font l'objet d'une réponse qui vous est apporté en amont du conseil municipal. Est-ce que, monsieur le maire, pardon, je vous interromps, mais vous pouvez me dire quel article du règlement intérieur vous lisez ? Les questions orales font l'objet d'une présentation en conseil municipal avec une réponse. Donc c'est bien ce que je dis. C'est l'article 4 de notre règlement intérieur. S'il y a un autre article auquel il faut s'y référer, je veux bien que vous m'orientiez. Ben, on va le faire. Moi, je me suis appuyée sur l'article 4 de notre règlement intérieur. Ah, on ne vous a pas distribué les questions orales. Non, voilà, elles ne sont pas sur table pour les membres du conseil municipal. On a bien eu la réponse sur les décisions. Vous les avez eues. Sur les décisions du maire, mais pas sur les autres affaires ayant trait aux affaires de la commune. On aurait dû remettre dans le dossier que vous avez là, sur table, les questions orales. Mais d'accord. Bah, de toute façon, ça peut être fait après, par mail. Je vous donne la parole sur les trois questions orales. Voilà. Bon, on termine les vœux, alors. Du coup, on termine les vœux. Je vous donnerai la parole sur les trois questions orales. On est d'accord qu'il y a une question orale sur les déchets végétaux de la rue Francisco Ferrer. Ça, c'est important, la rue Francisco Ferrer. On a des questions concernant le suivi des engagements pris au conseil municipal antérieur. Absolument. Et la complétude des comptes rendus du conseil municipal. Mais ça, on en a déjà parlé en préambule. Donc, vous avez la parole concernant... le vœu relatif à la dénomination d'une voie devant porter le nom de Gisèle Halimi. Alors, avec grand plaisir. Le 28 juillet 2020, maître Gisèle Halimi est décédée à 93 ans. Elle a consacré sa vie entière à défendre la cause de femmes confrontées aux différentes dominations. Domination coloniale, comme la défense en 1960 de sa cliente puis amie Djamila Boupacha, militante pour l'indépendance de l'Algérie, torturée et violée par des militaires français. Et bien sûr, domination masculine. Refusant résolument, enfant en Tunisie, d'être privée de lecture, et plus tard d'être renvoyée à ses fourneaux, comme elle l'avait rétorqué lors d'une audience à un ténor du barreau, elle incarne parfaitement le parcours intime et collectif que chaque femme, que toutes les femmes, doivent affronter pour obtenir, parfaire et protéger constamment leur liberté et égalité. Avec le procès de Bobigny en 1972, où elle s'engagea pour obtenir la relaxe de Marie-Claire Chevalier, une jeune femme ayant avorté suite à un viol, Gisèle Halimi ouvra la voie à la dépénalisation de l'avortement en 1975 par la loi Veil. Avec le procès d'Aix-en-Provence, où elle défendait deux femmes violées, elle a permis de faire prendre conscience au pouvoir public que le viol devait être poursuivi comme un crime et non comme un simple délit. La criminalisation du viol a été décidée en 1980. Élue députée en 1981, elle a porté la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité, dont elle a été rapporteure face à une farouche opposition. Aucun de ces combats ne fut facile. Durant toute sa carrière, elle a été raillée, injuriée, menacée par ceux qui voulaient faire préserver les systèmes de domination qu'elle œuvrait à abattre. Les obsèques de Gisèle Halimi ont eu lieu le 6 août 2020 au cimetière du Père-Lachaise, en l'absence du garde des Sceaux et de toute marque honorifique de l'État. A contrario de cette marque gouvernementale de mépris pour Gisèle Halimi et ses combats, le conseil municipal de Bagnolet considère que Gisèle Halimi, femme au parcours exceptionnel, mérite un hommage appuyé et pérenne. C'est la raison pour laquelle il émet le vœu que Gisèle Halimi soit panthéonisée. Elle serait ainsi la 6e femme à entrer au Panthéon. Le conseil municipal émet également le vœu qu'en donnant le nom de Gisèle Halimi à une voie de la commune, la toponymie de Bagnolet porte la marque de l'admiration et la reconnaissance que lui portent les habitantes et habitants de notre ville. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. On a souvent dit ici comment la situation des femmes qui travaillent pour 12 millions d'entre elles dans ce pays, dans les métiers du soin, se concentrent beaucoup à l'est de Paris. Ce sont des femmes qui gardent les enfants des autres, qui font le ménage chez les autres, plutôt à Paris, plutôt à l'ouest. Ces femmes qui sont, on va dire, le profil type de la femme bagnoletaise, ont été défendues toute leur vie par Gisèle Halimi et les combats que je viens de décrire. Je pense qu'on sera tous d'accord, je l'espère, pour considérer que si on pouvait être la première ville bagnolet à décider que nous donnerons le nom d'une voix à cette exceptionnelle combattante, eh bien, je pense qu'on ce serait très honorable pour nous tous. Édouard. Juste peut-être une observation. Moi, je trouve, bien sûr, je voterai le vœu. Je trouve juste un peu particulier de décider à la place de la famille, de la panthéonisation, surtout quand on sait que, du coup, l'éloge de la panthéonisée serait faite par le président Macron. Je ne suis pas sûr c'est ce dont elle aurait rêvé. Après, sur le vœu, moi, j'aurais bien voulu proposer un amendement. Je trouve qu'il manque un passage très important de sa vie et un passage long. Vous avez parlé de domination coloniale. Décidément, c'est la trame ce soir. Elle a défendu toute sa vie le droit à l'autodétermination de tous les peuples, dont celui du peuple palestinien. Je trouve que ça manque singulièrement dans ce vœu. Donc cet amendement pourrait être utilement à la suite du paragraphe 3, pour le compléter. Domination coloniale aussi, comme dans sa défense du droit à l'autodétermination des peuples, et singulièrement l'autodétermination palestinienne. D'autres remarques ? Caline ? Je veux juste dire que, à mon avis, pour l'ensemble d'entre nous, bien sûr, on va voter ce vœu et qu'on est d'accord sur le personnage et la symbolique et la personne qui était Gisèle Halimi. Merci. Monsieur Jamais. Oui, je vais voter évidemment ce vœu, de même deux fois, puisque Mohamed Jenan, j'ai son pouvoir. Non, c'est juste pour rappeler que le 8 mars 2018, on avait pris une décision au sein de ce conseil municipal. C'était de faire en sorte que la plaque de ce grand homme politique communiste qui est Paul Vaillant-Couturier soit adjoint le nom de son épouse, Marie-Claude Vaillant-Couturier, déportée, résistante. C'était une des grandes voix du procès de Nuremberg, députée. Et je crois que ça n'a pas été fait. Et je crois qu'il faudrait évidemment régler cette chose-là sans trop de délai. Merci à vous. Effectivement, il faut qu'on le fasse. On a déjà dénommé, je le rappelle pour les collègues qui ne siégeaient pas au cours du précédent mandat, un certain nombre de rues, la rue Gettetzmann, la rue Simone Veil, la rue Rosa Parks, la rue Odette et Eugène Carbol. Donc on va faire en sorte, effectivement, de pouvoir dénommer une rue du nom de Gisèle Halimi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, juste pour répondre sur la panthéonisation, il y a une pétition en cours actuellement qui a été signée par plus de 30 000 personnes et dont le principe a bien sûr été déjà soumis à sa famille. Sa famille est d'accord avec le principe, donc c'est pour lever ce doute-là. Et évidemment, moi, je suis d'accord pour ajouter la phrase à la fin du paragraphe 3, militaire français, point. Sa vie tout entière, elle lutta pour l'autodétermination des peuples, point. Et puis comme ça, on passe à, et bien sûr, la domination masculine. En l'espèce, ce n'était pas exactement le texte que je vous soumettais. Est-ce que le texte que je vous ai soumis dans sa rédaction... Je ne l'ai pas retenu par cœur, j'ai essayé d'intégrer quelque chose qui littérairement faisait du sens, parce que comme il y a la domination coloniale et ensuite la domination masculine, il ne faut quand même pas que je perde le lecteur. Enfin, ce texte se veut un petit peu rédigé et enlevé, c'est pour ça que je fais au mieux. Mais on est d'accord sur le fond, on va peut-être pas chipoter, non ? Non, mais je ne chipote pas. En fait, c'est juste que vous êtes sûrement une meilleure plume que moi, mais il y a un mot qui a été biffé, c'est le mot Palestine. Donc je disais domination coloniale aussi, comme dans sa défense du droit à l'autodétermination des peuples, et singulièrement l'autodétermination palestinienne. C'était juste ça. Eh bien, on peut en discuter, mais elle a combattu pour l'autodétermination de tous les peuples. Oui, et singulièrement, c'est ce que je disais. Ben, justement, non. Je comprends que ça puisse vous poser un problème. Non, mais ça pose pas de problème, mais c'est juste que ce n'est pas une singularité dans l'œuvre et le combat de Gisèle Halimi. Si, bien entendu. Ben, non. Ben, si, bien entendu. Elle a combattu, sur l'Algérie... sur la Tunisie, son engagement pour la femme tunisienne, son vécu elle-même de la situation de la femme tunisienne, on peut avoir un débat d'exégèse. Je vous proposais cet amendement, je vois qu'on le refuse. C'est-à-dire qu'il me semble que du coup, on aborde tous les pays pour lesquels elle a eu des propos et un combat sur la question des coloniales. À mon sens, ça rallongeait. Je me suis posé la question au moment de rédiger et j'ai trouvé que ça rallongeait beaucoup. Ouais. Parce qu'il fallait mettre la Tunisie, il fallait mettre la Palestine, en effet. Il fallait mettre d'autres pays aussi. En tout état de cause, il vous aura pas échappé parmi les États, donc désormais aux Nations Unies, même États non membres, ça existe. C'est pas le sujet. Il y a une cause d'autodétermination mère de toutes les causes, puisque c'est le dernier État colonial qui se retrouve... Non, mais ne faites pas votre meeting politique sur la Palestine, on parle de Gisèle Halimi. Mais en fait, si vous aviez écouté tout ce que Gisèle Halimi a pu dire, ça, c'est une partie de sa vie importante. Je sais, puisque c'est même moi qui propose le vœu. Voyez-vous, vous n'avez pas eu l'idée de proposer un vœu sur Gisèle Halimi. C'est moi qui l'ai eu. Bravo. Donc arrêtez de maintenant tout faire comme ça du conflit pour rien. Quoi. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais un amendement, c'est justement ça, c'est pour qu'on en débatte. Je l'ai intégré. Donc, j'ai intégré sa vie entière, elle lutta pour l'autodétermination des peuples. Donc si vous me dites que vous voterez contre ce vœu parce qu'il n'y a pas le mot palestine dedans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne vous ai pas dit que je voterais contre ce vœu. J'ai dit que je voterais pour, je vois juste que vous avez souhaité biffer un mot, c'est tout. Et moi, je n'ai pas biffé de mot puisqu'il n'était pas, j'ai rajouté des mots, donc... C'est bon. Il faut aussi arrêter tout le temps, mais la Palestine a toutes les choses. Laissez les Palestiniens tranquilles. Un jour, on va faire un débat si vous voulez. Alors, tout le temps, Palestine. C'est un débat réel. En 30 secondes pour proposer justement qu'il n'y ait plus de débat. Justement, on va essayer d'aller assez vite. Là où je soutiens quand même mon collègue Edouard, c'est qu'il y a une toute petite différence aujourd'hui entre quand on parle de l'Algérie ou de la Palestine, c'est qu'il y en a un aujourd'hui qui est libre et l'autre qui ne l'est pas. Donc moi, ce que je propose pour qu'on tranche la question, c'est qu'on vote l'amendement proposé par Edouard et qu'ensuite on vote le votre vœu, amendé ou pas en fonction du résultat du premier vote, et puis voilà. Mais franchement, je trouve que ce n'est pas correct. Vous aviez tout l'asir de déposer vos propres vœux. Vous n'avez pas eu l'idée de déposer un vœu sur Gisèle Halimi. C'est un sujet ultra consensuel. Cette femme a combattu toute sa vie. On demande quelque chose qui est basique. Et vous êtes en train de régler des comptes politiques sur un autre sujet en trollant la discussion sur Gisèle Halimi. Je trouve ça, pardonnez-moi, mais je trouve ça un peu en dessous de la main. Il me semble quand même que ma réponse, elle est en tant qu'auteur du vœu, et j'ai une légitimité à le faire. Si vous voulez, vous pouvez voter contre mon vœu et puis en proposer un autre, mais vous êtes hors délai. Donc de toute façon, votre procédure, là, ça n'existe pas. Ce qui est soumis au vote, c'est mon vœu, d'accord ? Donc vous votez contre si vous voulez voter contre, mais vous, votre texte, il n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. Non, mais c'est quoi qui gêne ? C'est le mot palestinien ? Ça peut rajouter. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on s'éloigne du débat. Et en l'honneur d'une femme d'une consistance comme Madame Gisèle Halimi, je vous demanderai de bien vouloir passer. Exactement, merci. Merci. Non. Non, vous, c'est pas la procédure pour les dépôts des vœux. La procédure, elle est prévue au règlement intérieur. Vous ne pouvez pas déposer votre propre vœu en séance. Pardon ? Il n'est pas prévu de procédure d'amendement sur les vœux. Il n'est pas prévu au règlement intérieur. D'ailleurs, il est prévu une procédure pour les délibérations avec un délai préfixe pour amender les délibérations. Donc, ce que vous êtes en train de faire n'existe pas en droit. Je suis désolée. Regardez, demandez à vos services. Mais... Donc, par, si moi, je veux dire, Madame... si j'avais voulu pour comment dire, pour donner une contenance plus collective à ce vœu, donc parce que j'y suis attachée, voilà, j'intègre une partie de l'amendement. Je trouve que c'est déjà un geste. Là, ce que vous voulez faire, qui est de, en fait, remplacer ex nihilo mon vœu par un vôtre qui n'a pas été déposé, vous, je vous le dis, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est un passage en force, en fait. Non, il faut rajouter juste le mot palestinien. Ben, si vous voulez, on peut tout enlever l'amendement que j'ai rajouté, si vous voulez. Alors, ça se fait pas ? On n'a pas si le droit d'amendement ? C'est ça, au final, que vous demandez ? D'accord, c'est de la pratique. Je vois que ça émeut beaucoup de personnes, ou en tout cas une. Non. Dans la majorité aussi, dans le public, il y a plein de gens qui considèrent que vous exagérez, là. Parfait. Donc, si le résultat de la charte éthique, c'est de ne pas vouloir d'un amendement à un vœu, il n'y a pas de souci, je retire mon amendement, je vous prie bien vouloir m'excuser. Merci. Merci, Edouard. Qui est pour le vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Vœux de soutien à l'hôpital CHI André Grégoire, groupe Ensemble pour Bagnolet. J'ai aidé parce que j'ai fait une longue intervention, mais en même temps, je peux faire plus court. Enfin, j'y tiens un peu parce que c'est pas une question mineure. C'est une question importante. Donc, depuis deux décennies, réforme après réforme, la situation de l'hôpital public n'a cessé de se dégrader. En Seine-Saint-Denis, c'est la fermeture de Jean Verdier, le groupement des hôpitaux Bichat, Beaujon, hôpitaux parisiens et des Hauts-de-Seine, avec comme conséquence 500 lits de supprimés sur le futur hôpital Nord. Et tout ça en pleine crise Covid. Pour l'hôpital intercommunal, comme l'ensemble des hôpitaux, c'est l'obligation d'emprunter sur les marchés financiers, la tarification à l'acte, la loi dite Bachelot, la création des ARS, la mise en place des GHT, groupements hospitaliers de territoire, les restructurations imposées, le virage ambulatoire et les fermetures de lits qui ont rendu ce service public pourtant essentiel exsangue. Depuis 2012, un comité de défense de l'hôpital, qui est à l'origine de l'écriture de ce vœu, informe régulièrement la population et les élus de la situation du CHI André Grégoire. L'hôpital est l'affaire de tous, il ne doit pas être uniquement celle des tutelles, mais bien celle des élus locaux, des professionnels et des habitants. Les actions se sont multipliées partout en France pour alerter sur la situation de l'hôpital, des urgences, des déserts médicaux, de l'accueil des personnes âgées, laissant craindre, en cas de vague épidémique, de véritables catastrophes sanitaires. Pendant tous ces mois, les soignants en lutte ont été méprisés, voire matraqués par le pouvoir en place. Avec le coronavirus, les alertes répétées des personnels soignants sont devenues une réalité et l'engorgement des services de réanimation, le manque de lits en médecine, en soins de suite, la nécessité de transférer des patients en train à l'autre bout du pays, la fermeture de services jugés non urgents, la surmortalité enregistrée dans les maisons de retraite, l'absence de masques, de surblouses, de protection en nombre, tout ceci a malheureusement donné raison au personnel de santé. Au CHI, les plans successifs de retour à l'équilibre financier n'ont fait qu'aggraver la situation de l'hôpital et dégrader les conditions de travail des personnels. La rationalisation des effectifs a eu pour conséquence des difficultés de fonctionnement au quotidien. Aujourd'hui, sans les remplacements par des vacataires et les heures supplémentaires des personnels, les services ne pourraient pas exercer leur mission, mais pour quel résultat ? Un taux d'endettement en 2019 d'environ 79%, un niveau de trésorerie extrêmement tendu, une capacité d'autofinancement inexistante, un emprunt toxique dont les intérêts atteignent aujourd'hui 3,5 millions d'euros par an, dont il faut aujourd'hui reprendre la dette par l'État, un niveau d'investissement très insuffisant, un mode de financement par la T2A ne couvrant pas les coûts, un hôpital qui vit sous la perfusion de l'ARS pour payer ses factures, mais à quel prix ? C'est dans ce contexte de service public exsangue que les personnels ont vu l'afflux de patients pendant la pandémie liée au coronavirus. C'est le dévouement sans faille des personnels, toutes catégories confondues, qui a permis d'éviter une catastrophe majeure et de relever les défis de la crise du Covid-19. Ils ont fait la preuve d'imagination et de la ténacité pour pallier au manque de protection des personnels, de gel hydroalcoolique et aux difficultés d'approvisionnement en médicaments et molécules utilisées en réanimation. Ces choix ont détérioré l'hôpital public en le déterminant par des logiques de rentabilité, non plus de santé pour tous et tous. Une dégradation générale qui a eu des conséquences d'autant plus lourdes sur notre territoire. Précarité, pauvreté, déserts médicaux, comorbidité, densité de l'habitat. Les inégalités sociales et sanitaires préexistantes sont aujourd'hui des facteurs de risque. Une population qui a aussi contribué fortement à l'activité des secteurs essentiels et qui en a payé un lourd tribut avec plus de 130% de surmortalité en pleine crise. Cette crise nous plonge dans l'inconnu, mais elle aura mis au grand jour l'importance des services publics de proximité pour répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, quelles leçons tirer de cette crise ? Encore une fois, le gouvernement ne répond pas aux principales revendications des personnels. Le Ségur de la santé s'est déroulé sans négociation. Il aura été le énième plan de communication. La réalité, c'est, en somme, pas d'abandon du plan Ma Santé 2022, qui prévoit la disparition de plusieurs centaines d'hôpitaux publics utiles à la population pour les transformer en centres de consultation et de gériatrie. Et quel mépris pour les personnels hospitaliers ! Toujours aucune reconnaissance salariale. Pas de reconnaissance en maladie professionnelle de la Covid-19, pas de suppression des jours de carence. Les personnels hospitaliers ne sont pas des héros, ils veulent être reconnus à la hauteur de leurs compétences, exercer leurs fonctions en toute sécurité pour eux et leurs patients et patientes. C'est ce que nous devons attendre d'un service public de santé. L'inquiétude est là. Comment aborder une nouvelle vague quand tous sont épuisés, que les effectifs sont insuffisants et que les compteurs d'heures supplémentaires explosent ? Comment affronter une deuxième vague alors que le risque de la rupture en protection du personnel est toujours présent ? Le décalage est immense entre les annonces gouvernementales et la réalité de terrain. Où sont les moyens supplémentaires qui devraient être attribués aux hôpitaux de la Seine-Saint-Denis ? Une gestion de l'hôpital exclusivement guidée par la recherche d'économies, amplifiée, je l'ai déjà dit, par la création du GHT. Cette situation est inacceptable. Nous manquons sur notre territoire de lits, de moyens et de personnel. Il est urgent de donner les moyens nécessaires à l'activité pour répondre aux besoins de santé présents et à venir. La crise sanitaire aussi aura relevé les conséquences dramatiques de la désindustrialisation pharmaceutique nationale et la présence affirmée pour le moindre coût sur le maintien du savoir-faire qui conditionne la sécurité des approvisionnements. Voilà. Par exemple, sur le territoire d'Est Ensemble, à Bobigny, pendant 2 mois, les salariés de Péter Surgical ont travaillé 7 jours sur 7 pour fournir des sondes d'aspiration bronchique utilisées en réanimation. Avec la crise, l'usine aura fait preuve de son utilité. À cette période, le président Macron clamait haut et fort qu'il fallait rendre la France son indépendance sanitaire. Aujourd'hui, cette entreprise, elle est fermée et ses 60 salariés qui sont licenciés alors qu'elle a prouvé son efficacité. C'est aussi le cas à Romainville avec une société qui s'appelait Fareva, qui les salariés alertaient en 2018 sur la fermeture prochaine de cette entreprise. Elle va être également fermée. On voit bien, c'est une des aspects que suggère ce vœu que nous déposons ce soir, ce sont d'autres choix en matière de santé publique, de défense de l'emploi, du tissu productif stratégique, j'ai voulu aller vite, et de services publics qu'il faut désormais promouvoir. Merci à tous. Je ne vous lis pas le vœu parce que je pense que vous l'avez sur votre... Voilà, merci. Grégoire. J'ai fait très long, désolé aussi. Non, je rigole. Alors, bon. Donc, nous partageons les préoccupations exprimées dans ce vœu et présentées par les élus de l'opposition. Les hôpitaux publics font face à des déficits chroniques depuis de nombreuses années. Encore plusieurs centaines de millions d'euros en 2019 et 30 milliards d'euros de dettes accumulées. Ces contraintes financières ont conduit à un sous-investissement qui a très fortement dégradé les conditions d'exercice des professionnels de santé et les conditions de prise en charge des patients. Cette situation des hôpitaux publics est d'ailleurs très durement, mais très justement décrite dans le livre de Sabrina Ali Ben Ali, « La révolte d'une interne ». Une citation pour illustrer son propos. « Si nous en sommes à ce stade-là, c'est parce que les principes d'humanité et de dignité ont été sacrifiés sur l'autel de la rentabilité dans nos hôpitaux publics, de surcroît dans les services d'urgence, réceptacle de la précarité de notre société. » L'hôpital André Grégoire est le reflet de cette situation nationale. Pour rappel, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire, c'est plus de 88 000 passages aux urgences en 2019. 1490 professionnels médicaux et non médicaux, plus de 40 000 séjours, 4159 naissances, soit 80% des naissances des civils dont le CHI est l'hôpital de référence. L'ensemble des chiffres, de ces chiffres montre l'importance de cet hôpital sur notre territoire. Ses finances sont pourtant dans une situation critique. Le mode de tarification des séjours hospitaliers basé sur un patient moyen ne peut pas s'appliquer pour cet hôpital, situé dans un département en difficulté sociale et économique et où l'offre de soins ne permet pas de limiter la dégradation de l'état de santé en amont de la venue à l'hôpital. La crise du Covid-19 a révélé d'ailleurs ces failles de l'accès aux soins de ville, notamment en Seine-Saint-Denis, comme le souligne ce vœu. Pour rappel, la Seine-Saint-Denis a souffert de la plus forte hausse de la mortalité des départements français en mars et avril, plus 124%, devant le Haut-Rhin, plus 117%, qui a fait les gros titres. À Paris, cette hausse a été de 69%, alors même que la population parisienne est bien plus âgée que celle de Seine-Saint-Denis. En opposition à ces politiques de sous-investissement des services publics et pour réduire les inégalités d'accès aux soins, nous souhaitons investir dans la santé tout au long de ce mandat afin de construire au niveau de la municipalité un système de soins efficace et humain et permettre à chacun d'avoir accès aux soins dont il a besoin. Nos premières actions, notamment en organisant un dépistage gratuit et ouvert à tous du Covid-19, témoignent de notre volonté de mettre en place des actions permettant d'élargir l'accès aux soins et d'investir dans la santé des Bagnoletaises en proposant des services pour tous. La mutuelle municipale et travaux en cours pour mettre en place une permanence des soins sont autant de projets qui ont cette même ambition. Nous voterons donc ce vœu et nous serons donc aux côtés de l'hôpital André Grégoire dans ces luttes à venir. Je vous remercie. Merci. On passe aux voix. Qui est pour ce vœu ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est approuvé. Ensuite, nous avons donc des questions orales. Les déchets verts de la rue Francisco Ferrer, c'est pour qui ? Oui, je vais prendre la parole là-dessus. Parce qu'on aura une 36e lettre ouverte, à votre avis, non ? Oui. Allez-y, Mme Laurence. Mais justement, vous soulignez, pour ne pas la nommer, les lettres ouvertes de Rosalind Fay. Et vous soulignez également que c'est la riveraine Rosalind Fay qui fait la demande. J'ai rien souligné du tout. Non, mais vous parlez de la rue Francisco Ferrer et des lettres ouvertes, donc autant la nommer. C'est l'objet de la question orale, la rue Francisco Ferrer. Non, mais il faut allez-y. Il faut que vous la lisiez peut-être avant. C'est non, ça c'est vous qui la lisez, c'est pas moi. Non, mais c'est juste cette façon d'introduire la question. Je pense que c'est juste une riveraine, une bagnoletaise qui remonte à des problèmes de service public. Elle mérite votre respect, tout à fait. Comme tous les autres. Mais il est plein et entier. Et plus que plein et entier. Mais lisez-nous la question orale. Alors, non, je vais dire, c'est bon. Saisi par une riveraine de la rue Francisco Ferrer, le groupe Ensemble pour Bagnolet saisit le maire sur les questions suivantes. Qu'est-ce qui a motivé la modification récente au plan de collecte des déchets végétaux ? Pourquoi cesser de collecter les déchets dans les zones pavillonnaires du centre-ville ? Pourquoi les modalités précises de ramassage de ces déchets ne font pas l'objet d'une information systématique auprès des foyers concernés, cette information étant une condition sine qua non de la réussite de ce ramassage ? Pourquoi ne pas informer la population de l'existence de cette collecte par le biais des panneaux municipaux ou du journal municipal ? Anne Gerval, vas-y. Alors, bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé ces modifications ? Alors, ces modifications ont été motivées par un ensemble d'études menées par Est Ensemble, qui ont montré un besoin supplémentaire de passage dans des zones dites grand ensemble ou mixtes. Pour la collecte des ordures populaires, en clair. Pour la collecte des ordures ménagères. Donc, un renforcement de ces collectes ont été nécessaires dans ces zones et des passages supplémentaires ont été mis en place. De ce fait, pour un équilibre, il y a eu des passages en moins sur les déchets verts. C'est-à-dire que la nature du déchet a changé, mais le nombre de passages est resté identique. C'est également un problème de coût financier. Donc, il y a actuellement 3 zones existent toujours dans le ramassage des déchets verts, 3 zones pavillonnaires, dont la carte est précisée sur le site de la ville. Alors, les conséquences de ces décisions. Suite à des réclamations des habitants aux réunions de quartier et sur le site de la ville a mis en place un service sur les zones qui ne sont plus desservies par Est Ensemble. Si une rue n'est pas traitée lors d'un passage et que les habitants l'indiquent, un nouveau passage est réalisé. Les horaires restent les mêmes que les passages d'Est Ensemble, donc le lundi matin. Les informations. Alors, on nous demande pourquoi les modalités prises de ramassage de ces déchets ne font pas l'objet d'une information systématique auprès des foyers concernés. Donc, sur les panneaux d'information d'affichage de la ville, des informations ont été communiquées dans les boîtes aux lettres, sur le site de la ville. En mairie, vous pouvez également avoir de la documentation et à l'accueil les informations nécessaires. Dans le Bajomag de juillet-août 2018, vous avez aussi une communication qui a été faite sur ce sujet. Voilà. Sur le site d'Est-Ensemble, vous pouvez également retrouver une politique de compostage qu'elle met en place et avec des formations, si vous le souhaitez. Et la ville de Bagnolet a des zones, des endroits où il y a aussi des possibilités de déposer ses déchets verts. Et une campagne, enfin une étude actuellement est menée pour multiplier ce genre d'emplacement. Merci Anne. Seconde question. Oui, c'est une question qui concerne le suivi des engagements pris aux conseils municipaux antérieurs et particulièrement le précédent, puisque nous sommes élevés à la séance du conseil municipal du 23 juillet de décision prise par la majorité municipale portant sur la baisse de subventions à l'encontre de plusieurs associations, les GB, les rencontres chorégraphiques, le Bagnolet Football Club et l'association Prose. Le maire s'est engagé à cette séance de revoir la subvention de ces diverses associations suite à un travail sur les critères. Une commission devait se réunir en septembre pour délibérer à cette séance du conseil municipal. Pourquoi l'engagement n'a pas été suivi des faits ? Yasmina. Bonsoir à tous. Alors, on travaille encore avec les services au sujet des critères et ce travail se fera également avec les élus et les associations des différents secteurs. Donc, je travaille déjà en transversalité avec l'élu à la DGVSQ et suivront la culture, les sports prochainement. J'ai conscience que c'est un travail qui demande du temps et de l'énergie à beaucoup de monde. Donc, je sais que ces associations sont pressées et ont besoin d'avoir de la visibilité au niveau de leur financement. Mais je préfère prendre un peu de temps et d'énergie maintenant, en début de mandat, pour gagner beaucoup de temps et d'énergie tout le reste du mandat. Je souhaite partir sur des bases solides et pérennes avec tous. Du coup, on y travaille et la commission de subvention devrait arriver d'ici peu, dès que possible. Et merci Yasmina. Il y a un engagement ferme que j'ai pris. Après, on peut tourner, on peut revérifier ce qui a été dit sur l'AIGB, le BFC, etc. L'engagement qui a été pris, c'est de solliciter l'association Prose. Donc, l'association Prose vient de déposer sa demande de subvention pour 2020. Voilà ce que je peux vous dire. Et juste sur l'association, et elle sera l'association Pro, voilà. Grégoire, juste vas-y. Pour dire l'association Pro, c'est les services qui ont sollicité l'association Pro pour lui signaler qu'elle n'avait pas fait sa demande, lui rappeler, et donc il y a eu vraiment une démarche active des services suite à votre intervention. Voilà. C'est vrai que pour cette association, moi j'ai découvert effectivement le caractère dramatique de l'ancienne présidente que j'ignorais, et c'est vrai que ça demande une continuité, parce que c'est une action qui est de longue haleine, qui est difficile, qui n'est pas un sujet toujours simple, et ça me semble devoir être vraiment maintenu et prêter attention. Donc je vous remercie de l'avoir fait. Donc le travail est en cours. On considère que pour la dernière question orale, je propose qu'on ne l'aborde pas, parce qu'on a déjà... C'est gentil. Voilà. Juste vous rappeler, je me permets juste de vous rappeler, n'oubliez pas le compte-rendu du Conseil municipal du 9 janvier. Absolument, du 9 juillet. Absolument. Complet. Bonne soirée, rendez-vous au mois de...